Minuit, 2h. Je préviens une chose. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... vous arrêtez, s'il vous plaît. Les débats de Gérard. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Bonsoir Manu, bonsoir Fildar et bonsoir. Bonsoir mon pote. Donc débat sur la perle Didi. Donc en espérant que ça va mieux, ça va se passer comme d'habitude. Manu, tu commences par tes conneries, s'il te plaît. Merci. Rien fait. Donc en espérant que ça va se passer aussi bien que d'habitude. Rigaud n'est pas là malheureusement parce qu'il doit aller pour c'est quoi son parce que demain il a concert avec les Sunkai. Voilà, donc ça sera un cas sur l'internet. Alors je préviens tout de suite les gens sur l'internet, allez-y mollo parce que tu déjà Anka, elle y connaît rien. Alors tu me retires ton stylo et ton papier, je te dis je ne vois pas de ça. Mais toi t'en as bien. Non mais moi c'est pas pareil, d'accord? Alors top. Okay. Tu me vires toute ta saloperie. Gérard, il est minuit 2, tu commences à hurler. Ouais, non, mais je commence parce qu'elle a pas encore compris comment que je travaillais. Ouais, tu peux lui dire gentiment, elle est nouvelle. Alors, pour ça, on va accueillir El Pilonos. El Pilonos. Hola, ¿qué tal? Bonsoir tout le monde. Salut, Saint-Marie. C'est El Pilonos, j'ai 25 ans, c'est 90 FM au Sainte-Marie de la Mer. Ok, salut à toi. Bonsoir. Merco 2000. Bonsoir, c'est Marco 2000. 26 ans, Paris 101.9. Parkerboul. Parkerboul, 23 ans, Tours, 102.8. Max sera à Tours ce vendredi. Pam pam. Oh, pam pam. Non, au secours. Oh, pardon, j'ai fait une inversion. Connard. De manière, je le dirai après. Lady, 25 ans, Paris 101.9. C'est Lady, mais bon, c'est pas grave. Hein. Si tu le prononces à la française, t'as le droit. Ouais. Paris 101.9, bonsoir. Ça va bien. Qu'est-ce que ça peut te foutre? J'aimerais bien savoir si elles vont bien ce soir. Oh, ouais, tu commences pas, toi. Tu vas travailler parce que sinon, je vais te dire bonne nuit tout de suite. Je suis réveillée, Gérard. Oh, tu fermes un peu ta gueule quand je parle, d'accord? Mais c'est ça va. Oh, tu t'écrases. Hein, tu t'écrases. Non, Gégé, quand on commence le débat. Il est fou. Il aime pas les filles, c'est doux. Eh, je te préviens, toi, Lydie, là. Un conseil que je te donne, moi, tu vas. Ça va, merci. Ouais, mais moi, un conseil que je te donne, tu vas te calmer tout de suite, ou sinon, je vais te dire au revoir d'entrée. C'est vrai, calme-toi un peu, Lydie. D'accord? Calme-toi. Non, mais c'est toi qui vas te calmer, d'accord? Calme-toi. Enchaîne. Bon, alors, première question. Qu'est-ce. Toi, tu fermes ta gueule aussi. Ok. C'est violent. D'accord, père Tierboule? Mais j'ai rien dit. Non, c'est. Mère Gérard, c'est pas grave. On alors. Ok. Qu'est-ce que la paire Lididi? On va demander à Lady. L'affaire Lididi? C'est l'affaire Lady. Bon, allez, bonne nuit à toi. Allez, bonne nuit. Allez, hop, dernière. Allez, hop, bonne nuit. Qu'est-ce que l'affaire Lady? Bonne nuit, Lididi. Bah, c'est l'accident, hein. Oh putain, mais elle est con, celle-là, ou quoi? Allez, hop, bah, au revoir. Oh, bah, c'est vrai que c'est ça, Gigi. Allez, au revoir, hop. C'est ça, c'est Terminé. Allez, hop, au revoir. Allez, terminé, comme ça, ça va plus vite avec moi. Parkerboul. Parkerboul, ouais. Ouais. Alors, l'affaire Les Didi, sérieusement. Hein. Mmh. C'est l'histoire de Les Didi qui sortait avec Dodi. Mmh. Et bon, bah, il s'est passé un truc. Mmh. Et en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mirko. Attends, mais on va le dire après. On va pas dire tout le débat maintenant. Ok. Et ça se termine mal parce qu'ils ont fini dans un poteau sous pour l'Alma. Ouais. Ok. Mirko 2000, pardon. Ouais, bah donc l'affaire Les Didi, bah en fait, on essaye de prouver que c'est un complot, en fait. Comment? Dans quel sens? Donc c'est pas sûrement un accident. Mm-hmm. Ouais, mais ça, c'est on quelqu'un va... qui a saboté les freins, qui a foutu une plaque de verglas. Peut-être, oui. Pour non, mais, c'est possible. Non, mais attends, ça, on va en discuter plus tard, et t'as pas besoin de parler de plaque de verglas, de verglas, d'accord? Ok. Ok, bon. Surtout le 31 août, quoi. Ouais, c'est limite quand même. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un complot. Ouais, bah c'est ça. Dans l'hémisphère sud. Ils en ont mis une exprès. Elle est piquée. El Pilonos. Et bah, c'est vrai qu'en fait, il y a eu un problème. Donc en fait, il faut savoir, essayer de déterminer c'était quoi le problème. Mm-hmm. Parce que en fait, il y aurait peut-être des journalistes qui seraient concernés, quoi. Mm-hmm. Mais, Parker, attends 5 minutes là. Parker. Oui. Eh, tu t'écrases un peu quand l'auditeur parle, d'accord? Ah, mais c'est pas moi, je crois que c'est l'autre qui était encore là. Non, l'autre, elle est plus là, elle est partie. Ah, je suis pas sûr. Ouais, moi je te dis que si. Ok. Alors, El Pilonos. Ouais, parce que moi, en fait, l'autre jour, voyez-vous à la télé, qu'aux infos, ils disaient qu'il y avait eu un non-lieu. Un non-lieu pour les paparazzis qui étaient sous les motos. En fait, il y a eu un non-lieu. Quand t'as entendu C'était avant-hier, je crois. Ah, c'est... C'est bizarre parce que j'en ai pas eu des échos. Hein. Bah écoute, tu te renseignes et puis tu verras. Ouais, bah je verrai ça. Oui. C'est un peu tard, le débat commence. Hein. Non mais on en refait comme d'hab. On en refait. Non, on en refait plus, c'est le dernier. Ça fait le deuxième, donc ça sera le dernier. C'est le deuxième, je sais ce que je dis. Ouais, c'est parce qu'il l'a répété celui-là dans sa tête. C'est ouais. Non, mais le premier était sur les paparazzi, tu confonds tout, c'est pas grave, c'est l'alcool, c'est rien. Merco. Merco, ouais, au revoir. Non, c'est pas Merco, mais bon, c'est pas lui. C'est celui. C'était pas moi. Ah, c'est pas lui, je confirme. Ouais, c'est qui moi. C'est moi, mais bon. Qui, toi? On se demande. Qui, toi? Mais c'est qui, ça? Tu donnes ton nom et vite fait. Allez, donne ton nom, s'il te plaît. Allez, donne ton nom. Allez, hop, tu lui dis. Hop, tu lui dis au revoir, terminé. Moi, c'est Marcel. Bonsoir, c'est René. Non, ta gueule, toi, pour l'instant. Bon, c'était juste pour dire qu'on est déjà 7000. Hein. Ouais, mais t'as pas. J'ai compris. Alors, quand voilà. Tu parles, t'as pas besoin de faire ça. Ok en c'est de... Gérard, quoi c'est la prochaine question Non, attends. Ah oui, attends, Manu. Oui, je voulais accueillir chauffeur masqué. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Philou. Salut. Bonsoir Manu. Bonsoir. Bonsoir Anka. Fréquence, c'est d'où t'appelles? Alors, j'appelle de Sodo sur Facochère, c'est dans le Vercors, 105.4. Et tu te fous de ma gueule ou tu prends le train, toi? Pas du tout, c'est un petit village. Donc, quelle fréquence que c'est 105.4. Bonsoir, chauffeur mystère. Voilà, on peut la choper sur la colline aussi. T'as raison. Donc, t'as entendu la première question? Tout à fait, c'est l'affaire des Didi, hein. Uh-huh. D'accord. Alors, c'est une tragédie, Gérard. C'est une tragédie humaine. Humaine. C'était un couple princier qui allait au Ritz, je crois, ou à l'hôtel, et qui a pris ce body tunnel. Et puis on connaît la suite, Gérard. Ah ouais, mais de toute manière, c'est pas qui allait au Rix, comme tu dis, là. Non, Rix. Non, mais ils sortaient du restaurant. Et toi, t'as une théorie? Non. Non. Non, il a rien. Il a pas grand-chose, à part une fouet de fonction. Bon alors, c'est quoi en fait ton histoire en fait, Gérard? Qu'est-ce que tu penses en fait? Qu'est-ce que c'est l'affaire Lady Di? Cette histoire, expliquer un peu aux auditeurs qui écoutent. Cette histoire, ça commence à bien faire parce qu'on en parle constamment. Ouais. Donc maintenant, il faudra que ça se termine et c'est pour ça que. C'est quoi l'histoire Lady Di? Quel est le vrai début de l'histoire? Mais le truc, c'est que bon, ils ont été au restaurant. Oh ta gueule, toi. Oui, donc. Donc, ils sortaient du restaurant et bon, ça s'est... Et pourquoi ils étaient en train de dîner en fait, en tête-à-tête au Ritz? Voilà, et après, quand ils sont ressortis, bon, ils ont pris la voiture, on ne sait pas exactement avec ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé trop exactement. Bon, on sait qu'il y a eu l'accident et après, on verra ça... Pendant le débat. Un autre jour. Voilà. On a remis un peu en fait dans le contexte, maintenant on va essayer d'approfondir un peu le truc. Alors, croyez-vous que les journalistes en ont dit trop? Et on va demander à chauffeur... Masqué. Je pense qu'ils ont oublié des trucs parce qu'à certains moments il y avait certaines pistes. Il paraît qu'il y avait des gens sur la route. Je sais pas si t'as entendu ça, Gérard. Mmh. Comme des vendeurs ambulants de yaourt, tu sais, des types assez crasseux. Bon, alors chauffeur masqué. Tu fermes ta gueule, c'est moi qui. Au revoir. Allez. Celui-là, il aura répondu vite fait aux questions. Parker Bull. Oui. Je pense qu'en fait, les journalistes en ont beaucoup dit, mais en fait, ils savaient rien, quoi. Mm. Donc, ils ont brassé beaucoup de merde, et puis ils ont fait beaucoup de photos, ils se sont fait pas mal de thunes, et puis résultat, on n'en sait pas plus, quoi. Mm-hmm. T'as d'autres questions? Pas pour l'instant. Pour l'instant, tu réponds à celle-là. Après, on verra les autres. C'est pas la peine de lui dire qu'a planqué l'internet. Non, c'est parce que. Non, c'est pas ça. C'est parce que je suis trop près avec le micro. Oui, quand elle allume son micro, ça fait un bruit bizarre. Mercos 2000. Bah écoute, j'ai oublié la question. Un petit trou de mémoire, ça arrive de temps en temps. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Est-ce que les journalistes en ont dit trop? Bah écoute, non, pas spécialement. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et puis voilà. Ils ont diffusé quelques photos un peu hardcore, on va dire. Mais c'est tout. Ouais, ok. Pilonos. Ouais. Bah, moi, je pense que, comme il était dit tout à l'heure, il y a eu non-lieu, donc ils sont pas coupables. Hein. Ils sont pas coupables. Hein. La justice, elle a tracé. Je te demande si les journalistes en ont dit trop, je te demande pas l'histoire des motos qui suivaient. Ah bon, excuse-moi. Moi, je pense que non. Honnêtement, on aurait pu faire une double page de plus. Mais vous pensez pas que les journalistes, en fait, pour vendre leurs journaux, justement, ils en disent plus qu'ils n'en savent? Cinq minutes là. Gérard répond, excusez-le. Donc, pour moi, les journalistes, à mon avis, ils en ont dit beaucoup de trop et ils ont voulu essayer d'en dire trop, beaucoup. Sur cette histoire-là, ça a été une décatombe pas possible. Si vous avez écouté tout à l'heure, vous savez ce que ça veut dire, décatombe. On a le lexique. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont voulu faire des pages entières de journaux comme ils ont fait. Ils mentent. Mais en fin de compte, de toute manière, on ne sait toujours pas exactement les causes exactes de l'accident. Tout ça, donc pour moi, ça a été un truc vite fait, bien fait, ça a été piraté. Ça a été piraté et donc les journalistes ils en ont dit beaucoup de trop sur. Mais comment ils font pour inventer des trucs s'ils sont pas sûrs? Mais non, tu penses comme ils ont machiné sur des bandes. Ouais. Donc automatiquement. Donc quand ça a été dit en direct. Ça c'est Chirac la cassette. Ta gueule toi. Moi je crois que le capitaine Crochet. Bon, Mercos 2000, au revoir. Mais par contre Gégé, pour revenir aux journalistes qui inventent sur des sujets qu'ils connaissent pas, t'es un peu journaliste. Ouais, fait tes débats, tu t'inventes, tu connais rien et tu fais des débats, donc c'est un peu pareil, en fait. Non mais ça sur cette histoire-là, on va pas s'éterniser jusqu'à 2 ans. Ouais, est-ce que tu crois que toutes les vérités sont bonnes à dire? Mais de toute manière là sur cette histoire-là, ça a été ils en ont fait trop même. Mais c'était quoi l'histoire des bandes? J'ai pas compris ce que. Mais non, c'est quand ils ont été sur les lieux, donc ils ont essayé d'en savoir un peu plus vis-à-vis des responsables qui étaient sur place et en fin de compte. Responsables de quoi? Du pont. Non, sur les secours, donc ils ont interrogé des flics et les pompiers qui étaient sur place et tout. Donc ils ont voulu en savoir exactement. Et eux derrière, quand ils ont fait les unes de leurs journaux, ils en ont rajouté. Job. Ouais, mais d'accord, c'est leur job, mais ils ont pas besoin d'en rajouter comme ils ont fait. C'est tout. Et quand il n'y a pas de guerre au Kosovo, faut bien trouver des sujets, quoi. Ouais, mais attends, mais de toute manière là, sur une histoire comme ça, faut. Ouais. On parle de journalistes, donc il y a même un bouquin qui est sorti là-dessus et que là-bas en Angleterre ils sont pas d'accord. Ah bon, c'est quoi le truc? J'ai pas le titre du. C'est le truc sur l'IDD là. Tu l'as lu? Non, mais il est pas. Ouais, c'est là-bas en Angleterre. Ah, oui. Ouais, qui c'est qui voulait rajouter un mot là? Ouais, c'est El Pilonos. Ouais. Il voulait savoir si tu penses que c'est normal parce qu'en Angleterre il faut payer pour aller visiter la tombe de l'IDD. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Ouais. Je voulais savoir si tu trouvais que c'était normal. Pour moi, non, parce que c'était quand même une personnalité. Une grande femme. Une grande femme qui a fait quand même qui a fait beaucoup. Parker. Oui. Si ça te dérange pas. Quoi? Si on te dérange, tu le dis, hein. J'écoute. Non mais pour l'instant, vous êtes que deux à l'heure actuelle. Non, j'ai Conchita aussi qu'on peut accueillir. Ah. Bonsoir. Ah, Conchita. Oui, allô Gérard. Ouais, Conchita. Bonsoir. Moi, je voudrais apporter mon témoignage parce que. Oui. C'est lui le chef. T'appelles d'où? Pardon. Je suis de Paris, j'ai 32 ans. Ouais, mais je m'en fous. Je suis femme de ménage au rite et je voudrais apporter mon témoignage. Hey, j'ai pas besoin de savoir que t'as 32 ans et que t'es femme de ménage au RIX, d'accord? Parce que ça me regarde pas du tout. Non mais c'est son témoignage, c'est important. Ouais, elle travaille au RIX. C'est-à-dire, qui c'est qu'on a d'autres? C'est tout pour l'instant. Conchita, tu permets que je termine de demander à Manu si on a d'autres personnes? Oui, monsieur. Bon, merci. Donc, on était avec El Pironos, Marqueur. Et donc, Conchita, tu voulais dire. Donc, maintenant, Parker Boule, pardon. Je tiens à préciser quand même. Conchita. Oui. Alors. Je voudrais apporter mon témoignage parce que je suis femme de ménage au RIX. Mmh. Et j'ai fait leur chambre après leur départ. J'ai découvert quand même des godes, des bouts chinois. Et ça m'a choqué énormément. Oh. C'est ça. Je vous assure, monsieur. Non, mais il n'y avait pas. T'as dû te tromper de chambre, mais il y a celle que j'ai rajoutée aussi. Il n'y avait pas du sperme sur les draps et elle avait quelque chose. Ça m'étonnerait. Ça commence à bien faire ces histoires. Donc, on parlait des journalistes, on ne parle pas de sa chambre. On n'en a rien à foutre. Je me suis trompée, monsieur. Ah ouais, ben, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous rapporter de plus que... Non, parce qu'en fait, vous étiez au Ritz, vous travaillez au Ritz depuis, depuis l'affaire. Depuis l'affaire, exactement. Donc vous les avez vus, en fait, au Ritz. Bah, exactement, mais on ne me croit pas apparemment. Donc... Non, mais ça, c'est bon, dans la chambre, c'est personnel. Non, apparemment, ils n'ont pas dormi. Ils ont été mangés. Oui, non, voilà. Ils n'ont pas dormi. Bah, oui. Tu dis n'importe quoi, Conchita. Ils ont quand même des potes. Non, c'est faux. Non, parce qu'ils sont partis en voiture, donc. Non, ils n'ont pas dormi. C'est peut-être la chambre. Ils n'ont pas dormi, ils ont couché ensemble. Ils ont ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas dormi. Ils ont niqué comme des bêtes. Donc, avant de manger, peut-être. Non, plus. Parce qu'ils sont. Ils ce qui s'est passé, parce qu'ils ne comprennent rien, les gens, là. Non, mais avec. On était avec El Pirono. Ouais, donc tu voulais dire tout à l'heure, parce qu'on a été coupé. Moi, ils trouvaient qu'ils en faisaient un peu beaucoup pour un simple accident. Moi, je sais qu'un jour, il y a Sœur Marie-Thérèse, elle est tombée en mobylette, bah, personne n'en a parlé. Hein, on disait. On parlait de la tombe et que c'était payant. Voilà, on parlait de ça, et justement, ça va où l'argent? Est-ce que tu crois qu'il faudrait faire payer le pont de l'Alma? Non, attends, El Pirono. Non, on va revenir là sur ce que tu disais là, sur l'histoire de la tombe, parce qu'on parlait de ce qu'elle faisait quand même. Donc, elle est morte. Faut dire que quand même, ce qu'elle avait fait au départ, donc à l'heure actuelle, c'est toujours, ça continue toujours les... Elle faisait quoi? Les personnels et tout ça, là. Ouais, c'est toujours repris par quelqu'un, hein, ça. C'est un joueur de foot, non, maintenant? Non, c'est plus, je sais pas qui c'est. Mais si, c'est un joueur de foot. Ouais, il me semble aussi. Elle faisait quoi? Elle allait déminer, là, je sais pas trop. C'est David Ginola, non? Ouais, voilà. Ouais. Mais l'argent, d'après ce qui a été dit, maintenant, ça reste à vérifier, à part, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, en principe, l'argent qu'ils ont récolté sur les tombes, pour aller, quand ils faisaient voir sa tombe, comme tu disais, là, El Pironos. Donc, apparemment, l'argent qu'il récupère, c'est justement pour les associations qu'elle a fait. Et moi, je sais que, parce qu'en fait, là, c'était la Toussaint, c'était Halloween, donc c'était la fête des morts. Il y a des gens qui proposent de mettre la tête de Lady Di comme emblème de Halloween à la place de la citrouille. Mais non, mais arrête de dire des conneries là-dessus. El Pironos, arrête de dire n'importe quoi. Tu m'écoutes là? C'est une symbole. Là, c'est compliqué. Je voudrais quand même dire que je suis pas d'accord de faire payer les tombes. Mais c'est en Angleterre. Là-bas, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Acheter une Mercedes neuve, mais est-ce qu'on pourrait avoir un ingénieur de chez Mercedes quand même pour essayer de comprendre? Non. Mais ça, et puis quoi encore? Spécialisé dans la DS ou je sais pas. Non. Gérard, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais moi, je viens de dire ce que j'en pensais, c'est tout. Je suis pas d'accord, et non, c'est mais tout. Mais t'as pas dit pour les journalistes. Mais si, bon, attends, tu travailles là, Conchita. Mais j'ai arrivé, Gérard. Non, mais Conchita, la malade, la madame, elle est pas là, hein. La d'accord madame, elle est sous le paillasson. Okay. Ouais, la madame, elle est sous le paillasson, d'accord. On en a assez parlé de l'histoire des journalistes. On parlait, Gérard, ça a été dit tout à l'heure. Pourquoi, donc, s'ils font payer en Angleterre, pourquoi nous, on met pas un péage entre le début et la fin du tunnel? Merci, Manu. Mais ça, de toute manière, j'en sais rien. Tu vois, comme un truc d'autoroute, quoi. Tu payes 75 balles pour passer dessous, et voilà. Non, mais ça, j'en sais rien. Ça, tu demandes ça au ministère des Transports ou à la DDE. Comme ça, au moins, il pourrait refaire le pylône, quoi. Mais ça y est, il a été refait. Ça n'empêche pas que tout le monde va se rendre. Non, mais c'est dégueulasse. Ils mettent des fleurs, des autocollants. Mais non, mais tout le monde se rend sur le lieu de l'accident à chaque fois. Donc, on va. C'est dangereux, c'est un tunnel, quand même. Tu y es allé, toi, ou pas? Non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, je m'en fous complètement. Mais tu faisais caca le nom du pylône quand t'as l'air. Mais toi, tu fermes ta gueule avec par cœur. Au revoir. Hop. Tu iras sucer les boules ailleurs. Voilà, terminé pour toi, Parker. Voilà, comme ça, ça va plus vite. Alors, quelle heure elle est? Attendez. Oh là, chaud, gros dossier. Alors. On va demander à Anka les questions qu'il y a sur l'internet. Alors, on en est où? Tu peux parler devant ton micro quand même. Les questions? Alors, déjà, ils veulent tous savoir si t'étais sous le pont de l'Alma le soir de l'accident. Je viens de dire non. Non mais attends, ça fait deux questions qu'on pose. Non, j'y suis pas. J'ai pas été sur le même quand l'accident. Ce soir-là, tu y étais pas. Bon, l'accident, quand il y a eu l'accident, je n'y étais pas. Non mais depuis minuit 20, ça fait 20 minutes que le débat a commencé. Depuis 20 minutes, t'es en train de branler, rien à foutre. Dors avec ton papier. de merde. Bah oui, mais comme qu'on en a rien, on s'en fout. Voilà, je suis un peu bloqué, tu vois. Mais alors, mais dans ce cas-là. Devant ton micro, ma couille. Putain, mais c'est pas vrai de travailler avec toi, hein. C'est, pas possible, c'est impossible de travailler avec toi. Impossible. Je peux continuer ou pas? Impossible. C'est impossible. Ah ouais, mais pour moi, c'est impossible de travailler avec quelqu'un comme ça. T'as d'autres questions, Anka, sur Internet ou tu te branles encore? Oui, j'ai d'autres questions. Bien. C'est un rapport. Il demande si. Pas de nom de jeune fille, hein. Oui. Tu te souviens, hein? Ouais. Voilà. Il demande si la nouvelle voiture de Gérard, en fait, c'est une Fiat Uno blanche qu'on lui aurait donnée. Ok, ben bah continue. Alors, à branler, Anka. Continue à branler sur l'Internet et puis ça vaudra mieux que de dire des conneries qui tiennent pas debout, d'accord? Je t'ai bien dit, je t'ai bien précisé au début du débat que je ne voulais pas de saloperie de... En attendant, on est 9448 sur Internet. En plus, la blanche, la voiture, elle est grise, alors. 9448. Elle est métallisée ou pas? Et ta sœur, elle est métallisée ou pas? Ma sœur, non. Bon, alors, tu la fermes. Elle est métallisée. Tu la fermes. Toi aussi. C'est pas moi, De toute manière, c'est toi la seule fille qu'il y a, alors Conchita... C'est un mec, il a pris une voix de nana. Ouais, c'est ça. Alors Conchita, moi c'est je te dis... C'est pas ma voix, hein. Ouais, c'est ça, Conchita. Oh là la bassine, entre les grossesses, ding dindon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? C'est Christine hier, ça? Savez-vous planter la chatte à la mode, à la mode? Savez-vous planter la chatte à la mode de chez nous? Ouais, d'accord. Oh, là, un petit clin d'œil pour ton ex. Elle était vraiment mieux que ta nouvelle. Bon, on peut accueillir. Deux abricots, ça ressemble à quoi? Une couille, une paire de couilles, un sexe. Bon, vas-y, ouais. Manu. Manu, ouais, oui, on accueille Poussy Alfayette, bonsoir. Salut, Poussy. Salut, Poussy. Salut, tout le monde. T'appelles d'où? De Villainville. La fréquence 97.8. Ouais. De Villainville. Et après, Manu? Attends, juste... Oui, on accueille aussi Poporizzi. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Popo. C'est dur de vous choper au standard. Hein, Poporizzi, c'est la folie. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir Popo. Poporizzi, t'appelles d'où? La fréquence? Moi, j'appelle de Calinette sur Sodo. C'est 105.7. Hey, je te préviens, toi. Oui. Un conseil que je te donne. Tu dis encore une connerie comme ça, je te prends même pas. Je te dis au revoir tout de suite. D'accord. Même pas, hein. D'accord. Non, mais c'est un petit amour dans le Wisconsin, j'ai le droit quand même. D'accord, alors bonne nuit, au revoir. Oui, ah, bon, mais il a rien dit, Gérard. Gérard. Un petit village. Là, la fréquence. Je te l'ai dit, c'est 105.7, Gérard, calme-toi. Bonsoir les Calinois. Voilà, bonsoir à eux. On pourrait faire un petit sondage là pour essayer de, tu vois, de faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit déjà depuis tout à l'heure. Alors, avez-vous de quoi? Gérard, vas-y. Eh, Manu. Manu, oui. Celui qui vient d'arriver là, Poporizzi. Oui. Tu peux lui expliquer c'est quoi le thème du débat? Parce qu'apparemment il est dans les nuages celui-là. C'est Lady Di, Poporizzi. Voilà. Bah, je sais pas, Manu. La bassine entre les grosses. Bon, allez, fil d'art, voilà, je veux que ça, merci. C'est pour ça. Alors, avez-vous déjà entendu parler de Lady Di? Alors, 59% des gens disent qu'ils ont déjà entendu, mais. En anglais seulement, ça m'étonnerait. Bah non, mais elle parlait pas français, elle dit... 34% disent qu'ils l'ont seulement vu, c'était dans un bowling à l'Alma. Alors ça, c'est vraiment des sondages de merde. Alors maintenant, oui. les sondages du jeudi, on va plus les faire, ça ira encore plus vite pour moi. 20% des gens disent qu'ils étaient durs de l'entendre. Non mais j'ai pas compris, répète. 20% des gens disent que c'était dur, qu'il était dur de l'entendre après l'accident. Donc, elle était morte, donc on pouvait pas l'entendre. Donc, alors, hop. Mais Gérard! Hop, t'as rien! Ah bah non, il vient de passer la tige des sondages. Y a plus de sondages et c'est terminé. Allez, hop! Par contre, GG, excuse-moi, j'ai un truc super important là. Tu sais que dans la semaine, on t'avait dit qu'on allait essayer de retrouver en fait Trevor Jones, le garde du corps de. C'est le garde du corps ou le chauffeur? L'amnésiaque, les deux là. Non, parce qu'il y en a un des deux qui est. Le garde du corps, c'était. Ça c'était l'amoureux, Gérard, ça c'était l'amoureux, c'était l'amant de Lady Di, ça. Le garde du corps, c'est Trevor Jones et on l'a retrouvé. Bon, tu fais bien attention parce que bon, tu vois, il parle un peu français mais pas beaucoup. Donc tu vois, il parle aussi anglais, donc c'est un peu chaud. Trevor Jones. Il a la mâche en fracassé quand même, attention. Salut l'amnésiaque. Ta gueule toi, t'appelles d'où? Oh! Non, il va pas faire longtemps. Oh là là là là. Attends, laissez-le parler. Non, je l'ai mis tout seul, il est tout seul. T'appelles d'où? Hello? Mais, am I on radio? Oui, vous êtes sur Fun, bonsoir Trevor. Gérard, parle-lui, oh. Allô. Bonsoir, la fréquence où vous appelez. Putain, mais non, Non, là, je vais pas pouvoir prendre un mec comme ça, moi, c'est pas possible. Il va parler. Possible. Vous parlez un peu français, Trevor. Ah oui. Voilà. Allô. Bonsoir. Oh là, non, terminé, allez hop. Au revoir. Allez, Gérard. Mais attends. Non. On a fait des pieds, des non, mains. Non, allez hop. Pour la voir. Non, j'en ai rien à foutre. Non. Laisse tomber, allez. Ouais, c'est bon. Au revoir. Mais écoute. Gérard, on est quand même 500 depuis qu'il est arrivé. Oui, allô. Mr. Cousin. Oui, c'est monsieur cousin, oui. Ta gueule, toi, PD. Il traduit. Allez, hop, terminé, au revoir. Au revoir. What? Oh merde. Gérard, on est deux fois plus nombreux depuis qu'il est arrivé sur IRC. Non, il y en a plus qui ferme ta gueule, toi, je vais dire au revoir. Hop, terminé. Attends, on s'est pris. Mais on s'est pris la tête, j'ai pas écouté. C'est dans les causes. Moi, j'ai un peu débat. Putain, merde. Tu le dégages. D'accord. Putain, Max. C'est Max, il. J'en ai rien à foutre. C'est tout. C'est la direction qui... Moi, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui commande. Ouais, mais bon... J'en veux pas, c'est tout. Non, mais Trevor Jones, merde. J'en veux pas et c'est tout. Ça fait trois semaines qu'on est sur le coup. J'en ai rien à foutre. C'est une exclusivité mondiale. Oh, ta gueule, toi. Bah, écoute... Toi, ta gueule. Non, mais t'as chier avec ça, hein. Médoc, le pauvre. Bon, et on envoie un disque, on reprend après. Non. Hey, les disques, là. Bah, deux secondes, ça arrive. Ouais, ben, ça doit arriver tout de suite. Bon, je pose la question. Attendez, il va poser la prochaine question avant de lancer le disque, quand même. Ouais, quand même, ça sera agréable. Alors, la question, c'est comment s'est déroulé exactement l'accident. Et on se retrouve tout de suite après avec on va s'écouter Dodo Alfayette. Avec j'ai pas compris. Dodo Alfayette avec j'ai tout perdu, ma mergo, mon Bob et mon gosse. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat sur la perle du Didi. Plus c'est tard, plus ça pue. Eh bien, gamin, il paraît que t'es une tête dans ton genre, hein. Ouais, c'est pas sûr, hein. Eh ben non. C'est fini pour toi, Bianca, hein. Tu t'en vas de l'internet. J'ai quand même une petite pression. Non, mais moi je te dis tout de suite. Non, mais attends, tu permets, c'est moi qui commande, d'accord. Je viens de te dire que tu faisais plus partie des studios parce que j'ai regardé la webcam dans le bureau. Tu t'es roulé un patin avec Marco. Mais tu étais où? T'étais en train de boire un café, tu fumes. Non, mais je vais te dire une chose, j'ai regardé la webcam. La webcam. C'est lui qui était avec nous la semaine dernière, il y a 15 jours. Qui, Mathieu? Non, Julien. Julien. Oh, je sais pas, faudrait lui demander, je sais plus comment ça s'appelle. Il est là, à côté. Mais je crois qu'il veut plus bosser. Si. Attends, il finit un truc et il va nous rejoindre. Non, pendant une semaine après. Non, moi je viens de te dire que... Ouais, je vais l'appeler. On vient d'écouter quoi alors là? On vient de s'écouter Dodo Alfayette avec j'ai tout perdu, ma merco, mon Bob et mon gosse. Voilà. Mathieu, si tu nous entends, tu peux venir rejoindre l'équipe ce soir. Ah ouais, j'ai demandé à Max et il est d'accord. Donc, Anka, c'est terminé. Anka, tu peux retourner au standard. Non, même pas au standard. On part, si Anka part, on part aussi. C'est écrit là. Ouais, c'est écrit. Tu vas te rouler un patin. Dans les couloirs, j'ai plus besoin de toi dans l'équipe. Au revoir. Salut Mathieu. Ça va bien? Salut à toi, bonsoir. Tu t'appelles comment? Je vais rester avec lui pour lui montrer. Non, il connaît mieux que toi le site internet. Alors, okay. Gérard, avant de partir, parce que je me sens quand même vachement concerné par ce débat, je voulais simplement. Ah, excuse-moi, on se fait la bise. Ajouter un truc, c'est que t'as pas traduit le dit en français. Hop dehors, toi, maintenant. Ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire femme morte. Ben, c'est ça, t'as raison. Allez, bonne nuit. Salut Mathieu, ça va? Allez, au revoir. Ça va mieux qu'on ait. Oh! Je crois que tu casses. Ouais, bah voilà. Alors, au revoir maintenant. Hop, dehors. C'est un petit peu fort pour toi, mon petit gars. Là, t'as la souris, tu peux. Non, mais attends, il connaît mieux le boulot. Il connaît mieux le boulot de toi. Il connaît mieux le boulot de toi, dehors. Voilà. La welcome. Dehors. Allez, dehors, Anka, tu te manges. Oh putain. Il a vomi. Non, Anka voulait lui mettre. Tu te casses. Anka lui a fait une petite tape amicale sur l'épaule et lui en a retourné. Non, mais attends, elle a déboîté l'épaule aussi. Bon, alors, pour s'en récupérer, El Pirogos. El Pilonos. El Pilonos. Hombre. Poussi. Oui, bonsoir Fidard, bonsoir Manu, bonsoir Mathieu Mitchell. Bonsoir Poussin. Bonsoir. Poporis. Oui, non, c'est pas Poporis, c'est Poporis. Quoi? Poporis. Oporiti. Oporiti. Ok, j'ai compris. Oui. Bon, la question, vous l'avez entendue, donc non. J'arrête. Non, non. Eh, vous, eh, pour la, eh celui qui rigole comme. Qui glousse. Bon, toi, Il y a de la dinde. Bon, ce, Manu, tu m'attrapes le. Tu m'attrapes Potori. Il est retour. Monsieur Cousin. Monsieur Cousin. C'est Monsieur Jones on the phone. Are you here? Monsieur Cousin. Merde à toi, je t'emmerde. Non, mais attends, c'est très bon. J'en ai rien à foutre, il se tire. I have some Manu, tu me Manu, tu me retires ça de l'antenne, s'il te plaît. J'ose pas, tu vois, ça me fait. Tu me retires ça de l'antenne, s'il te plaît, je ne continuerai pas le débat. Je peux parler pas bien. Non. Tu vois, on fait des efforts. Je français mal, mais. Moi, je m'en fous, on va le laisser parler tout le long du débat. Est-ce que vous avez un truc à dire sur Diana, Trevor? Oui, rapidement, parce que ouais. Gérard doit faire son débat. Ah oui, je vais dire des choses sur... Gérard, j'en ai rien à foutre, je n'en veux pas sur l'antenne. Mais pour... Je n'en veux pas sur l'antenne. Monsieur Cousin. Je n'en veux pas sur l'antenne. Monsieur Cousin. À trois, je me tire. Je Oh, je... Merci. Et tu lui dis au revoir complètement. Je ne le veux plus sur l'antenne. Okay. Voilà. Alors. Monsieur Cousin. Ouais, bah, toi, tu fermes ta gueule. J'ai pas dit ton nom, j'ai dit Cousin. Ouais, ouais. Mais donc. T'as bien fait de le virer, Gérard. C'est un bah alors. La question avant le 10, c'est ce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Ouais. C'est comment s'est déroulé exactement l'accident. Et on va demander à Poporizzi, là, je sais pas quoi, là. Oui, Gérard. Bah, de par mon métier, parce que je suis un paparazzi, toi, t'appelles ça paparazzi, mais c'est paparazzi, hein, le terme technique. Mmh. Bah, j'ai pu tirer quelques photos, en fait, du carnage, hein, on peut appeler ça comme ça. Il y avait des morceaux de chair partout, hein, du sang princier un petit peu sur les pavés, un petit peu partout. Et donc, bon, les photos sont un peu floues, mais ce que j'ai vu, Gérard, je veux pas te choquer, hein. Non mais dis, sauf c'est un sauf t'as pas dit hein. Non mais c'était, ça ressemblait à une fellation si tu veux hein. Fous-toi bien de la gueule du monde toi. Bah écoute, et même il paraît que ces derniers mots c'était, bah tu préviens quand tu craches. Ouais ben moi je te préviens que je te dis au revoir. Non mais moi je te dis au revoir. Gérard, je te dis au revoir. Je te dis au revoir. Voilà. Ça y est. Hop. Par contre, GG, on a quelqu'un qui voulait réagir, donc on accueille Monsieur Mazur, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur au téléphone. Bonsoir Monsieur Mazur, bonsoir. Comment allez-vous Monsieur Gérard, c'est un plaisir de vous réentendre. Ouais, ben moi ça me fait pas plaisir parce que vous avez encore saccagé le débat comme d'habitude. Bon, écoutez, non, ça s'est très bien passé. De manière, je vous laisse que une demi-heure d'antenne, pas plus. Hein, absolument, je suis d'accord. Donc, la question, vous l'avez entendue. Vous avez entendu le micro, Gérard, merci. Vous avez entendu la question? Mais absolument pas, j'étais au standard, monsieur Gérard. Écoutez, alors, comment s'est déroulé l'accident? Et c'était. Je demandais à monsieur Pouzzi. Pouzzi. Non! Non, Pouzzi. Alors, Pouzzi El Fayette, s'il te plaît. Pouzzi, j'en ai rien à foutre. Ok. Bah écoute, les conditions de l'accident, moi j'aurais entendu dire qu'il y a quelqu'un qui a laissé un morceau d'acajou. Sous le pont de l'Alma, près d'un poteau, un bidon de nul. Bon, et Pouzzi, au revoir. Et qu'il avait... Au revoir. Au revoir. Allez, hop, terminé. Tu lui dis au revoir, terminé. Comme ça, ça va aller plus vite avec moi. Ça va aller plus vite, hein, ce soir. Celui qui s'amuse avec ça est prié d'arrêter. Merci. C'est vrai, c'est très lourd. Et dedans. Ouais, bah, on s'en fout de celle-là. Hop, ouais, Manu. Je voulais accueillir Madame Paul. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Manu. Bonsoir, Paul. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, mes pattes. T'appelles d'eau. T'appelles de Ris-Orangis. 101.9. Putain, mais quand je demande t'appelles d'eau, tu peux me donner la fréquence, ça m'évitera de. Ah, tu sais, t'as fait les marchés. Qui c'est qui nous reste? C'est ta mémoire, tu me devrais me remercier. Toi, tu commences à te la fermer parce que tout à l'heure, tu as retourné d'où que tu deviens. T'as compris la macrène? Elle est pire qu'on osse. Elle est pire qu'on osse. El Pironos. El Pironos, bah tiens, à toi alors. El Pironos, bah moi... Attends. Je répète pour Madame Paul et Monsieur Mazur la question. Merci. C'est comment s'est déroulé exactement l'accident. Donc, El Pironos. Alors, moi, j'ai entendu dire que le gars qui conduisait, là, les chauffeurs, il avait consommé des produits. Il avait mangé des croustichots, ouais. Tout à fait, pas frais, plus de l'alcool, plus des médicaments. Et qu'il y avait du sexe à l'arrière, et que bah, ça, tu sais, c'est cocktail, hein. Non, mais ça... Si, c'est explosif à chaque fois, c'est boum, hein. Bon, on verra. Bah forcément, hein, quand tu... Hein, tu sais bien comment ça Madame se Madame Paul. Oui, ça reste un mystère. Moi, je m'en tiens à ce qui a été édité dans les journaux et ce qui a été dit à la télévision. Alors, il y a les paparazzis, mais bon, ils ont été acquittés. Ils ont perdu la bagnole. Moi, je pense que c'est un suicide. Je peux signaler d'une chose que celui qui s'amuse avec la radio derrière est prié d'arrêter. Non, ça me gonfle. Sérieusement. On a trouvé le problème, c'est un problème de standard. Ah. Je peux accueillir quelqu'un vite fait, ouais, entre temps. On accueille Lady Lespousse. Bonsoir. Et si je t'avais dit combien je t'aimais, mon frère? Et si je t'avais dit, mets pas les beuges dans cette terre. Okay. Bonjour. Ça te dérange pas de dire bonsoir que de dire des conneries? Je suis à l'antenne. Oui, tu es à l'antenne. Salut Gérard, salut tout le monde. Oui, bonsoir monsieur NTM. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Saint-Denis. 101.9. Et j'ai trop de bois de l'escar. Ouais. C'est clair. Toi, tu vas commencer à te calmer parce que sinon je vais te dire au revoir tout de suite. Toi, ça va aller vite là. Très bien, très bien. Gérard, justement, avant qu'on continue, il y a Mathieu qui m'a amené en fait des petits sondages très très intéressants et là pour une fois pas des conneries. Donc il y a une question qui a été posée. Que doit-on faire quand les paparazzis vous traquent comme les Didi? Donc 73% des gens répondent qu'il faut mieux se cacher. 31% demande ce que tu ferais toi. Non mais attends, tu vas pas dire que c'est Mathieu parce que t'as demandé la feuille à Manu, donc alors pour l'instant tu fermes ta gueule. Mais non. Non mais là tu Mathieu, c'est bien toi qui viens de l'aller. Non. Parce que c'est Manu qui non, parce que Mathieu l'avait mise là. Non, je suis désolé. Donc, j'en ai rien à foutre. Madame Paul. Depuis qu'il a une voiture, c'est Madame un Paul. Gosse, c'est chanceux, hein. Madame Paul. Oui. 17% me demande si j'aimerais être un paparazzo. Ta gueule. Mais moi, le sondage de Fildar m'intéresse. Bon, moi, le sondage, il m'intéresse pas. Tu réponds à la question, Madame Paul, ou je te dis au revoir. Pas grave, t'écoutes pas, nous, ça nous intéresse. Bon, alors, Madame Paul, au revoir, allez. À mon avis, ces caisses, elles fonctionnent au charbon. Allez, hop, terminé, celle-là. Enculé de pétasse. Madame Paul, ok. Voilà. Alors, il a dit, je sais pas quoi, là. Ouais, laisse pousser. J'ai pas trop entendu ta question, Gérard. Comment s'est déroulé exactement l'accident? Et avant, 29% des gens pensent qu'il faut coucher avec eux pour être tranquille. Et 50% dit que tu fermes ta gueule, toi, espèce de gros con. Je voulais juste continuer. Tu fermes ta gueule. D'accord. Mathieu, oui. Ouais, sur Internet, j'ai une supposition de Raynor qui dit comme quoi la Mercedes aurait dérapé sur un chargement de yaourt abandonné au milieu de la route. Alors, je sais pas. Non, mais ça, c'est des conneries. Donc, ouais, Mathieu, limite quand même. Mathieu, limite. Hein. Non, mais c'est bon. Heureusement que t'es nouveau. On s'en fout. De toute manière, il y a 15 jours, il avait fait du bon boulot sur le débat des catastrophes. Alors, comment a lieu cet accident? On va avancer un peu. Lady. Bah, écoute, moi, je pense qu'ils ont bu un petit coup de pro et puis que voilà, ils se sont pris un pilon. Quoi. Ouais, je l'avais dit. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est passé, pas autrement. Quoi. Monsieur Mazur. Oui, bah, écoutez, à mon goût, je pense que c'est une vitesse excessive qui est mise en cause, bien entendu, parce que d'après les informations que j'ai eues, personnellement, ils roulaient à plus de 80 à l'heure, ce qui est quand même excessif. Je vous rappelle que la limitation de vitesse en milieu urbain est limitée à 50 à l'heure. Bon. Alors, les causes de l'accident exact, pour l'instant, tout le monde apparemment a dit comment que ça s'était déroulé, mais donc... Et toi? En fin de compte, ce qui... Oh là là là là, le Larsen, c'est grave de chez grave. Donc, les causes exactes de l'accident, donc tout le monde a à peu près dit que c'était... D'après ce qu'avait été dit, donc comme Monsieur Mazur disait, donc c'est une vitesse excessive, ça c'est vrai, mais pas 80 km/h, pas comme Monsieur Mazur disait, mais un peu plus. Et pour dire une chose, que d'après les rapports d'autopsie, les rapports d'alcootest faits sur le chauffeur, roulait avec plus de 2,8 g d'alcool dans le sang. Donc apparemment c'est tout ce qu'on a pu savoir de et toi, ça. À 2,8 g tu tiens ou pas? Déjà même une barrique. Non mais même déjà je dis en d'une main il paraît. Ouais. À 2,8 g tu peux pas contrôler ta voiture déjà. Mais comment on peut se prendre un pylône excuse-moi. Mais à 2,8 g tu peux contrôler ta connerie ou pas? Toi à 2,8 g tu peux contourner ta salope. Manu, tu voulais rajouter quoi? Non, je voulais, parce que moi, franchement, dans ce truc-là, si je peux me permettre, ce que j'ai pas compris, c'est comment on peut se prendre un pylône quand c'est tout droit. Même si on va à 600, tu vois, quand c'est tout droit, c'est tout droit. T'as une super caisse pour la 600. Ouais, non, mais attends, déjà, faut déjà dire, fallait voir déjà dans l'état que la voiture, fallait voir déjà dans l'état que la bagnole, ils l'ont retiré. Parce vu. Mais fallait voir l'état du chauffeur surtout. Ouais, mais il était à, comme je viens de dire, il avait 2,8 g d'alcool et la bagnole, elle était carrément pliée. Hein. Ouais, non, mais avec 2,8 g d'alcool dans le sang, de manière, il pouvait pas contrôler. Mais comment ça se fait qu'il l'ait laissé conduire s'il avait 2,8 g? Ça se voit quand même. Quand toi t'es bourré, on le voit. De manière, tu le vois tout de suite. C'est bon, vas-y, je l'ai coupé, vas-y. Donc, à 2,8 g, de toute manière, à la vitesse qu'il allait, il pouvait pas contrôler la voiture. Mais pourquoi ils l'ont laissé conduire? Mais pourquoi? Mais de manière comme mais il... pourquoi? C'est ça la question. De ta gueule un peu avec tes pourquoi, tu me fais chier. Alors vas-y. D'accord. Ah oui. Donc, de toute manière, il était déjà pas au restaurant quand ça s'est passé parce que il lui. Il était où? Bah, il était parti ailleurs, donc ils l'ont rappelé au moment de mais partir. Pourquoi c'est de là que l'accident est venu après, c'est tout. Pourquoi ils l'ont laissé conduire? Mais merde, avec ta gueule, avec tes pourquoi, tu me fais chier, c'est tout. Alors tu fermes ta gueule maintenant avec tes pourquoi, tu m'emmerdes. Genre imagine, t'as les Didier et Dodi qui sont derrière, il voit bien que devant, le mec qui conduit, il est bourré, quoi. Mais tu peux pas le savoir. Mais si, tu peux le savoir, il est là. Non mais Gérard, le truc, c'est que bon, ils avaient quand même une grosse voiture, une Mercedes pour pas citer la marque. Ouais, mais tu te plantes pas avec une Mercedes. 14, d'accord. Derrière 14, attends, merde, espèce de gros con. Ah pardon, non, je disais ça d'accord. Comme ça, c'était un exemple. Tu fermes ta gueule, espèce de gros con. Avec une Clio ou ce que tu veux. Non, mais attends, c'est une GTL. Ça envoie ça, c'est chaud. Et toi, tu fermes ta gueule. Des questions IRC parce que vous me faites chier là tous les deux. Bah, une super question, bah là c'est très grave, c'est une rumeur comme quoi Mercedes en fait aurait fait exprès donc d'exploser les Didi. Non, de toute manière. Tu peux pas dire ça, Mathieu. Donc voilà. Regarde, Mathieu, t'es nouveau, mais vas-y mollo quand même. Ok, d'accord. C'est tout ce qu'on peut. On est pas couvert. C'est tout ce qu'on peut dire de ce qui se passe, comment que c'est déroulé l'accident. Donc ça vient de ça. Vas-y, vas-y. Le pylône, la Merco, le chauffeur ou toi? Merde. Non, voilà. Donc c'est le chauffeur en fait. Non, toi tu penses chauffeur. Que c'est le chauffeur parce qu'il était ivre. C'est de la faute du chauffeur, c'est tout. Donc c'est pas de la faute d'éléments extérieurs. Il pouvait pas contrôler sa voiture, c'est tout. On va pas s'éterniser sur ça. Mais il y a pas à la contrôler, c'est une ligne droite, Gérard. Mais attends, mais comment ça même sur une ligne droite, de manière tu peux pas contrôler sa voiture, il peut pas contrôler sa bagnole et c'est tout. Ça ressemble à un attentat kamikaze quand même. Oh là là, putain. Va tuer là. Attends, il y a quelqu'un de la sécurité, excusez-nous, qui rentre. Bonsoir. Une voiture qui est en train de se faire déconner, je sais pas qui elle est. Ah, c'est quoi? Ah, c'est quoi ton motion? Pardon? C'est 14. Une heure, c'est ça. Bonsoir. Je suis en bouclier, là. Non, c'est des conneries, ça, encore. C'est quoi la plaque? Ouais, ta gueule. Il y a une R14 qui est en train de se faire déconner. Ouais, non, c'est des conneries. Balancez la plaque. Ouais, celle-là, je vais te balancer, toi. Merci beaucoup. La plaque, elle est dans sa jambe. Quand je suis arrivé, elle était dans le hall, là. Ladi. Ouais. C'est toi qui viens de sortir des conneries comme ça? Non, c'est pas le genre. C'est qui? Que quoi? Qui a dit quoi? Ah! C'est bien, Tildar. C'est pas moi? Non, mais c'est bien tes conneries. C'est bon, il y a les secours qui arrivent, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bien tes conneries, hein? D'accord? Bon. Question IRC avant. Matthews. Une question, est-ce que si elle s'était pris un autre pylône, ça aurait été pareil? Pareil. Oh, tu. Mais c'est pas moi, c'est les auditeurs, ils respirent comme des bœufs. Bon, tu. Parce que tu me les calmes un peu là. Elle s'est pris quand même le 13e pylône. Ouais, mais justement, on va en parler, mais ça, de manière. Il n'y a pas un signe, Gérard? Ouais, superstition, tout ça. Non, mais ça, de manière, comme on vient de dire, il roule à plus de 2,8 g d'alcool, tu peux pas contrôler le truc. Il pouvait pas contrôler sa voiture, et je comprends pas pourquoi ils l'ont laissé conduire. Toi, par exemple, en camion, quand t'as été à 6 grammes, tu contrôlais? Bah attends, mais à camion. Il y avait de la neige, mais bon. Mais à 6 grammes, attends, espèce de connard, Non, mais il a mis des skis sous les roues. Oh, allez, vous me faites chier avec vos conneries. Bon, je peux accueillir juste une auditrice vite fait, excusez-moi. Tout le monde, on accueille Cosette. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir, Madame Cosette. Est-ce que je pourrais réagir? Oui. Fréquence? Ma fréquence, 103.9. Oui. Ah, ta fréquence sexuelle, c'est quoi, plutôt? Sexuelle, c'est 380 degrés. D'accord. Okay, bon, plus tard, tes questions, tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Cosette. Donc, je voudrais réagir parce qu'en fait, le père d'Al-Sayed, il a dit que c'était un assassinat. Parce que c'est vrai que quand une voiture, elle va tout droit, et ben, c'est vrai que c'est difficile de se planter même si t'es bourré. Donc, en fait, ça a été organisé, ça a été un assassinat en fait. C'est ce que pense le père d'Al-Fayed. Ouais, mais ça, c'est ce qu'ils pensent eux, mais de toute manière, par rapport, vu l'état de la bagnole, en toute manière, l'expertise, on ne sait pas ce que ça a donné, l'expertise de la voiture. Je crois que ça a été un peu caché d'ailleurs. Ah, oui, mais justement, c'est ce qu'on disait, donc les journalistes en ont dit trop. Mais ils n'ont pas dit exactement après comment que ça s'était déroulé. Non, parce que justement, en fait. Parce qu'en fait. C'est caché. Ça a été vite. Pour moi, personnellement, je réponds tout de suite à sa question. Ouais. Pour moi. Je voulais ajouter un truc par rapport à ce que tu allais dire, c'est que la police, en fait, ou ceux qui ont fait l'expertise de la voiture, ils n'ont pas dit les vraies raisons de l'accident. Ouais, attendez, les gars, si je peux me permettre, vous oubliez un truc. C'est qui? Attends, c'est El Pilonos, j'ai perdu mon accent, mais c'est toujours moi. C'est Secret Défense, tout ça, les gars. C'est ce que j'allais dire. Non, mais ce qu'il faut dire. C'est que ça a été vite bouclé en moins de deux, parce que à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas l'expertise de la bagnole. Mmh. D'après ce qui a été dit, le chauffeur n'avait pas 2,8 grammes comme tout le monde l'avait dit, mais moins. Il avait un gramme. Plus. Je pense que c'est la voiture blanche quand même d'à côté. Hein. Non, mais ça, pour l'instant, de toute manière, on ne sait pas. Bon, l'a dit, au revoir. Ça. Allez hop! C'est pas moi. Allez, je m'en fous. Je m'en fous pas, je vire pas des images. Tu le vires, c'est tout, c'est moi qui commande. Et Gérard, il paraît qu'en fait, la carcasse en fait, qui reste de la Mercedes, elle est encore dans une fourrière à Paris. Enfin, dans un endroit à Paris. Ouais, mais ça. Il paraît que quelqu'un est venu récupérer des pièces de cette voiture pour une R14 grise. Bon, Manu, tu m'emmerdes avec ça! Maintenant, tu fermes ta gueule, tu fais ton boulot, gros con! C'est mes sources. Non, d'accord? Il y a un truc qui ressemble quand même, il y a Starsky là, sur le net. Si c'est l'histoire de ma bagnole, c'est pas la peine, j'en ai marre. Comme quoi, il y aurait une vente aux enchères de morceaux de la Mercedes. Non, c'est faux. Mais il paraît qu'elle est dans un endroit à Paris. Non, dans mais une ça, fourrière on à Paris. Je sais pas. Il paraît, donc c'est pour ça que je dis. Ça, tout le monde peut dire qu'elle est dans Paris. On ne sait pas où. Et de toute manière, ça a été vite bouclé. Donc cette histoire-là. Il la cache. Pourquoi il la cache? Parce qu'ils ont voulu boucler l'affaire vite fait. Comme Cosette a dit, de toute manière, on ne sait pas l'expertise exacte de la voiture. C'est quand même bizarre. Une info, une vraie, c'est que le chauffeur. Qui les a conduits, c'est pas leur chauffeur officiel. Ouais. En fait, c'était un remplaçant, c'est ça? C'était cousin. Oh! Putain, mais merde! Je sais où le voiture se trouve. Ah, monsieur Trevor, elle est où la voiture? Ça peut être intéressant. Monsieur Emmanuel m'a rappelé. Hop, terminé, je me retire. Mais non, Gérard, deux secondes. Tu me vires! Manu, tu me retires de l'antenne! Et tu lui as raccroché le nez sur rien. Ça ne va plus sur l'antenne. Bah d'accord. Clair, net, précis. C'est quoi, il dans la voiture. Il savait où était la voiture, merde. J'en ai rien à foutre. Alors, est-ce qu'il peut te le dire hors antenne, Manu, monsieur Trevor? Je dois pas le savoir. De toute manière, je réponds à Cosette, comme tout le monde. Oui. Je voudrais dire aussi que le père d'Al-Fayed a proposé une grosse somme d'argent pour retrouver. Ouais, pour retrouver la fameuse voiture blanche. Exactement. Donc. Ouais, mais ça, pour l'instant, comme personne ne sait exactement. Ouais. Comment que ça s'est déroulé? Parce que sur la carrosserie de la bagnole, bon, c'est vrai qu'il y a toujours encore cette histoire qui est bizarre. Il y a un doute, hein. Il y a un doute, il y a toujours. Par contre, Gérard, donc, moi, je viens de reprendre, monsieur Trevor Jones, en antenne, donc. Mais bon, tu vois, j'ai du mal à le croire. Il me dit que l'épave de la voiture sera dans une cave cité Carnot, donc bon. Impossible. Manu, tu fermes ta gueule parce que tu... J'y crois pas. Moi, je vais te dire une chose, ça me fait pas rire du tout avec tes conneries, d'accord? Alors maintenant, tu vas fermer ta gueule pour une bonne fois pour toutes, jusqu'à la fin du débat. Voilà. Foutu, plus. Tu vas t'occuper. Votre gueule, monsieur Manu, votre gueule. Monsieur Mazur, vous restez poli, sinon je vous dis bonne nuit, vous. Absolument, je parlais à monsieur Manu, je prenais votre défense, monsieur Manu. Alors, pour finir avec cette histoire de comment s'est déroulé l'accident. Donc, comme Cosette disait, le père de Dodi, donc donne une grosse récompense pour retrouver cette fameuse voiture blanche qui, soi-disant, est à l'origine de l'accident. Peut-être. Bon, ouais. Mais c'est que des soi-disant, c'est chiant, on sait rien. Ouais, en fait. Mais on sait rien pourquoi. C'est l'enquête. Non, mais l'enquête, elle est bouclée parce qu'on en entend plus parler à l'heure actuelle. Donc l'enquête, elle est bouclée. C'est quoi la conclusion? Attendez. Oui, il y a Dirda Lada là, sur le net qui dit comme quoi la trace blanche, ça serait peut-être une trace de sperme. Mais c'est des conneries encore. Mathieu, là, c'est trois bourres quand même. Je connais pas trop. Oui, je pense quand même qu'il y a de la mafia derrière tout ça. C'est sûr. Non, mais on parle de la mafia nantéroise. Ta gueule, toi, espèce de putain! Mais quoi? Monsieur putain, s'il vous plaît. Monsieur, Tu vas fermer ta gueule un peu là maintenant. Tu m'as insulté, Gérard. C'est pas moi, c'est le fil d'art. C'est qui là qui parle? C'est le pilonos. Ouais. On parle de mafia et de magouille. Il faut quand même savoir, tu parles de grosses sommes d'argent, que le père de Al-Fayed, il vient quand même de s'acheter un club de foot en Angleterre. Non, non, mais attends, c'est pas comme moi qui en parle. Attends, laisse-moi finir. Et que comme par hasard, l'entraîneur, c'est Jean Tigana et c'est un Français. Comme par hasard. Non, mais attends, c'est Cosa qui disait ça. Mais comme par hasard. C'est pas vrai, il a pas fait un. Mais non, mais c'est faux alors. C'est faux, hein. Mais non, c'est faux! Oui, c'est-à-dire que ça a fait beaucoup de coïncidences. Non, mais ce qu'il y a, on va pas s'éterniser sur cette question-là, parce que sinon on va plus avancer. Donc, pour en terminer. Il y a une histoire de blanchiment de cash. Bon, allez, au revoir, toi. Allez, hop, terminé. Hop, hop là, El Pilonos. Mon premier est une mythe. Mon deuxième est Téhéran. Mon tout est un président de la République mort. Ah, merci, Ramzi. GG, on peut accueillir quelqu'un vite fait? Si c'est l'autre, c'est pas la peine. Ah non, c'est pas l'autre, c'est Lady Dianal. Quoi? Lady Dianal. Bonsoir. Bonsoir, madame Anal. Bonsoir, monsieur Mazur. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, vous appelez d'appel d'où? Bonsoir, Amandar. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Sans trois fois. C'est monsieur Mazur. Oh là là, monsieur Mazur, s'il vous plaît, merde! Gérard, ouais, est-ce que tu pourrais dire à Anal de me dire bonsoir parce qu'elle m'a oublié? Là, dit Anal, t'as oublié. Chérie, mais j'ai oublié ton prénom. Cosette. T'appelles d'où? 103.8. Tout à l'heure, c'était 103.9, maintenant c'est ça. Ah oui, mais ça change, c'est pas... C'est Anal qui parle, c'est pas Cosette, hein. Ouais, non, mais je demande à Anal, justement, sa fréquence. 103.8. D'accord. Bon, alors, pour en finir avec cette histoire, parce qu'on va voir, parce que là, c'est lourd. Comme Cosette m'a dit que... comme c'est elle qui avait lancé le débat, le truc là-dessus. Donc, en fin de compte, on ne sait toujours pas... ce qui s'est passé, s'ils ont retrouvé la fameuse voiture blanche, et d'après ce que El Pironos là, nous disait, que soi-disant que les journalistes étaient blanchis, à mon avis, je sais pas, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de... Il y a des doutes, hein. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été... Franchement, je pense qu'on saura jamais, moi, j'ai dit. Hein. Non, mais ça, de toute manière, tu le sauras pas. Alors, c'est la mafia nanterroise. Mens ta gueule, toi, tu me fais chier. Question suivante, s'il te plaît. Alors, ouais, mais peut-être... Ah ouais, mais ouais, on va passer à l'autre. À votre avis, qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi? C'est quoi le problème? Bah non, la Diana, elle a pas répondu, elle. Ah, t'as quelque chose à rajouter, Lady Anal? Non, pas du tout. Lady Dianal. Pardon, Lady Dianal. Donc, tu voulais rien rajouter d'autre à ce que Cosette avait... Non, je pense que t'as fait le tour de la question, mais moi, je vois plus un complot de la reine, mais... Non, mais ça, on pense... Ça, tout on le monde, en parlera tout à l'heure. Hein. Tout le monde pense que... On va que, pas y revenir. Hein. Tout le monde pense qu'il y a eu quelque chose, mais bon, on ne sait pas. Hein. Parce que oui, il paraît qu'elle est enceinte, en plus. D'après ce qu'elle t'a dit, hein, mais... J'ai l'écho de Gérard, oui. C'est ça. Mais ça, tout ça, c'est des conneries. Donc, à votre avis, comment les gens ont réagi après la nouvelle, là. Donc on va demander à... La nouvelle, c'est-à-dire la mort, enfin, ouais. L'accident. Bah ouais, bah, la nouvelle... Fait, quand on a appris l'accident, on savait pas encore qu'elle était morte. Ouais. Non, non, non, mais ça, on va... C'était elle, en fait, au début. Ah ouais, mais si, tout le monde le savait, parce que tout le monde l'avait repéré, parce que comme Cosette a disait, fallait voir aussi tous les journalistes qui l'ont suivi après. Hein. Ah bah non, oui, mais c'était pour avoir un gros média. Hein. Bah ouais, mais ça, ils ont voulu aller un peu trop loin sur la vie privée de la Didi. Hein. Ouais, mais les sauveteurs, quand ils sont arrivés, ils savaient pas que c'était elle. Bah apparemment, si. Hein. Ah si, c'est un bah si, parce qu'ils l'ont suivi dès qu'ils sont... Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Putain, mais ça commence pas, Gigi. Ça commence à bien faire ces conneries là. Gérard. Ouais. Moi, je voudrais répondre à cette question parce que. C'est qui? Ah, mais merde! Putain, mais. Mais vous êtes deux PD là, vous allez me saboter le débat ce soir ou quoi? On a rien fait, Gigi. Bon, allez, tu me vires l'a dit, là, ce 201.9, là. Non, c'est pas moi, Gérard. Terminé, au revoir. Ça y est, il est parti. Alors, qui c'est qui voulait rajouter une chose, là, sur la question, là? Alors, moi, je voudrais répondre à la question. Qui? C'est Cosette. Lorsque j'ai entendu à la radio, j'étais effectivement dans ma voiture en train de revenir de mes vacances de l'Espagne. Mmh. Et j'ai entendu, donc c'était 31 août. Gérard, s'il te plaît, c'est pas moi qui plaît, Manu, mais mec, la meuf. Et donc j'ai entendu effectivement qu'elle venait d'avoir un accident. Mmh. Et lorsque je l'ai entendu, ça m'a fait un choc. Mmh. que j'ai failli me prendre la voiture d'en face et j'ai eu de la chance quand même. Hein. Ah, tu veux déjà réagir, à votre avis, comment les gens ont réagi après la nouvelle? Moi, j'ai réagi comme ça. Ah, d'accord, je croyais que tu voulais réagir, tu voulais rajouter quelque chose sur la question 3, c'est pour ça que... Non, elle est passée cette question, on va pas y revenir quand même. Bon, ouais. Là-dessus. Mmh. Donc je disais que j'ai réagi très très mal, c'est-à-dire que j'ai failli moi-même avoir un accident. Mmh. Et j'ai eu de la chance, je me suis pas pris le... J'étais pas sous un pont, moi j'étais sur l'autoroute. Hein. Mmh. Je revenais de mes vacances d'Espagne. Monsieur Gérard, permettez-moi d'intervenir. Attends, monsieur Mazur. Non mais laissez-moi terminer quand même, soyez poli. Et donc je revenais de mes vacances de l'Espagne, et effectivement j'ai eu une réaction vraiment très très brutale. Mmh. Et donc, je pense que d'autres personnes ont eu cette réaction aussi. Hein. Après, ça dépend des choix, des pensées, des avis, des... Mmh. Mais quand on a appris la nouvelle, moi, parce qu'on était en Corse avec Max, on se disait, mais c'est pas possible. Tu sais, on n'y croit pas. Non, mais exactement, ça... exactement. Mais tout le monde n'y a pas cru, mais c'est quand on a vu l'état de la bagnole. Bon, personne n'y a cru aussi. Non, on voit l'état de ta bagnole. Mais ta gueule, après, avec ma bagnole, tu verrais celle de ta mère. Ils y ont esquinté les clés, ils y ont esquinté. Je sais. Non, mais ils y ont mal appris sa bagnole. C'est une pute. Oh là là. Qui vient de dire ça là? C'est bizarre. Bah, Cosette, c'est pas cool. C'est bizarre cette histoire. Eh bien, gamin, il paraît que t'as une tête dans ton genre, hein. Mais alors, la Diana, là. Bah, moi, j'ai réagi. J'en avais rien à foutre, en fait, parce que j'étais en plein drame sentimental. Bon, bah d'accord, alors si t'en avais rien à foutre. Non, mais attends, je vivais quelque chose de dramatique dans ma vie, donc si tu veux, la mort de Lady Di, je m'en foutais un peu. Bon, c'est après hein, que je me suis rendu compte. Mais sur le coup, ça m'a rien fait. Et ça t'a rien fait? Tu faisais quoi avant? Quand t'as su ça? En plein drame sentimental. C'est-à-dire? Je venais de me faire guélard, j'avais autre chose à penser qu'à la mort de Lady Di. Ah bah d'ailleurs, c'est pas mal, toi. Ouais, Manu! Oui, quoi? Un auditeur? Oui, ouais, Elton Jean, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Gérard. Bonsoir Monsieur Jean. Bonsoir Monsieur Mazur. Bonsoir Monsieur Jean. Bonsoir les filles, bonsoir Thibault. D'accord. Bon, salut Elton Jean, chanteur à texte. Oui, quand t'as tout ça, quand t'as... La fréquence, c'est 105.3. Quand je demande les fréquences... Ah, excuse-moi Gérard, c'est instinctif, vous arrivez à l'antenne, la fréquence, boum, il n'y a pas de temps là. Voilà Elton Jean, là, tu veux... Oui, alors je veux réagir. En fait, c'est tu veux me parler de la réaction que j'ai eue. À votre avis, comment les gens ont réagi après la nouvelle? Bah, en fait, il me semblait que c'était un dimanche. Moi, je me suis réveillé, j'ai mis la télé. Bon, ils parlaient de ça sur France 2, je crois. C'est pas la peine de préciser les chaînes de télé. D'accord. Et puis, c'était pas un dimanche, c'était un samedi. C'était un samedi? Ouais, je suis pas sûr. J'étais sorti un vendredi soir, la veille, je m'étais un petit peu torché la gueule. Ouais, bah ça change pas. Pour tout te dire, Gérard. Et en fait, bon, vendredi, j'ai vu ça le matin, donc j'ai pas été choqué du tout. J'ai zappé sur la 6 et j'ai acheté un lot de poils. Bon, alors, moi, je vais te dire une chose. Non, mais écoute, tu me demandes. Non, mais attends. Je t'ai dit, tu ne cites pas les chaînes téléphoniques, les chaînes d'antenne. Donc, dans ces cas-là, comme t'as acheté des poils, eh ben. Tu sais ce que tu vas faire? Bah attends, j'ai et là, tu vas aller te faire cuire une omelette et je te dis au revoir. Après, je vais occuper une fricassée en regardant le soir. Au revoir. Hop. Terminé. Justement, par rapport à ce qu'il disait, parlant d'M6, parce que nous, on a récupéré un sondage où il y a 33% des gens qui ont pris la nouvelle. On s'en fout! Grâce aux 6 minutes d'M6, quand même. On s'en fout! Et il y a 23% des gens qui répondent qu'ils l'ont appris sur Skyrock. Et il y a 50% des gens qui disent que vous êtes deux connards. Mais c'est vrai, c'est des infos. Vous me faites chier avec ça. Gérard, c'est Cosette. Ouais. C'est vrai que la plupart des gens dormaient. Ceux qui allumaient la télé ou avaient la radio l'ont appris par rapport à la radio et à la télé. Ouais, mais non, mais ça, faut dire. Comment veux-tu qu'ils l'apprennent autrement? Bah oui. Mais même, attends, vu alors que ça s'est passé, de toute manière, tout le monde l'a su dans le journal de la nuit. Moi, j'étais dans ma voiture, c'était 3h du matin. Ouais, mais c'était à la télé quand même. La radio. Non mais attends, journal de la nuit, c'est pas la nuit. Le mec est à Marseille. Et les flashs. Et les flashs d'info. Je me permets sur la télé ou la radio. Ça s'est passé beaucoup plus sur le matin que ça. Hein. Ça s'est passé vers 5h. Hein. Parce que moi je me souviens, il y a eu le flash de Laurent Bosset à Fun. On s'en fout. À 5h30. Bon Manu. J'étais là. Manu, tu fermes ta grosse gueule. Non mais c'est tout. Non, mais tu fermes ta grosse gueule. C'est pas de la vanne. Tu fermes ta grande gueule. D'accord. Sinon il y a 18% des gens qui répondent que tu devrais te dénoncer. Il y a 18% qui disent que t'es un gros con parce que je t'ai dit de fermer ta gueule. D'accord. Voilà. Bravo, Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Oui, alors écoutez, je pense que comme la majorité des Français vaquaient à leurs occupations lorsque le drame est arrivé, moi-même, j'étais tranquillement à la maison, je dégustais quelques sushis, ruges ou froid d'abord. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Un conseil que je vous donne. Absolument. Si, parce que c'est comment réagissent les gens, donc on va en parler. Monsieur Mazur, encore une connerie comme ça. En précisant ce que vous avez dit, monsieur Mazur. J'ai juste donné mon adresse, écoutez. Ouais, ben, dans ce cas-là, ben, au revoir. Qu'on ne donne pas la vôtre, je trouve que vous pourriez. Au revoir. En tout cas, Gérard avait dit une demi-heure, il est arrivé à minuit 26, il est 1h03, c'est nickel. Au revoir. Voilà, il continuera demain. Donc, alors, moi, je vais lire un truc vite fait parce qu'on va pas s'éterniser. Donc, cette semaine, dans une revue, donc, psychiatrique anglaise, le taux de suicide a augmenté de 17% dans les mois qui ont suivi le drame. Cette augmentation atteignant 33% chez les femmes et jusqu'à 44% parmi celles entre 25 et 44 ans. Voilà. C'est rien compris. Entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Alors, tu veux dire qu'après la mort de Lady Diana, les gens sont plus suicidés. Ouais, parce qu'ils étaient trop malheureux. Voilà. Parce qu'ils ont perdu. Oui. Psychomatique. Ouais, mais ça, il y a 17% des gens, donc parmi elles, il y a une augmentation de 33% chez les femmes et jusqu'à 40% parmi celles de entre 24 et 44 ans. Entre l'Angleterre et au Pays de Galles. Hein. Est-ce que tu as pensé au suicide, Gérard? Non, personnellement, moi non. Oui, moi non plus. Donc voilà, alors, on va se faire une pause musicale. Oui, mais on se retrouve après pour la suite. Hein. Gérard, oui. Juste avant, mais pourquoi tu t'as pas pensé au suicide? Non, parce que moi, ça m'intéresse. Moi, personnellement, je m'en fous. Et pourquoi? Bah, moi, personnellement, ça t'a pas fait plus de mal que ça. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, puis c'est tout. Hein. Non, pourquoi tu pleurais comme ça? Non, pas du tout. Hein. Non, mais moi, ça m'a rien fait. Hein. C'était quand même une belle femme. Ouais, mais d'accord, mais personnellement. Il a pleuré pour Dodi. Hein, non, même pas. Même pas. Il a pleuré pour la voiture. Ouais. Merci pour le Larsen. Un disque, et puis on se retrouve. On va se retrouver après. Avec plaisir. Oui, mais si je pouvais avoir la fiche. Bah ouais, attends. Donc, alors, la question 5, c'est pensez-vous que la faute vient du chopper, et on va se retrouver tout de suite après. Ah bah, je pense qu'on. Ouais, on va la sauter. Non, saute là, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. On est déjà venu dessus. Ouais. Alors donc ça va aller encore plus vite. Alors en 6, pensez-vous qu'il est facile d'être une personne célèbre et d'être harcelé de cette manière par les paparazzis? Et on va s'écouter Patrick Dupont de l'Alma avec l'ABS en option. C'est con. Hein, tout de suite. L'ABS et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. Et voilà, donc on venait de s'écouter Patrick Dupont de l'Alma avec l'ABS en option, c'est qu'on... Donc on récupère... Donc c'est le débat toujours sur les Didi, voilà. Bien sûr, l'affaire, hein, l'affaire. Gros dossier, comme dirait Gérard. Maintenant. L'affaire les Didi, donc ça, c'est la suite. Hein. Donc on recueille Cosette. Attends, excuse-moi, c'est moi. Oui. Cosette. Oui. Rebonsoir. Rebonsoir, Gérard. La Didi Anal. Ouais, rebonsoir, Gérard. Et donc, on a aussi Dicise la pute. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Dicise. Bonsoir, tout le monde. C'est Dicise la pute. Bonsoir, GG. Bonsoir. T'appelles Alors, on écoute Fun sur 119.9. C'est sur Montpillon sur Blédo. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, l'équipe. Salut. Salut. Salut, Dicise. Salut. Donc, ma grande. Alors, Monsieur Cousin. Hello. C'est moi. This is Trevor. Monsieur Cruzer. You hear me? Gérard. Hey. Est-ce que tu veux que j'essaie de discuter et traduire? Non, ça m'intéresse pas. Donc. Non, mais si tu peux traduire, oui. Ce serait bien que tu puisses traduire ce que dit Trevor rapidement. Oui, vas-y. Bon, Monsieur Trevor, allez-y. Come on, girl. Hello. What do you want? Is there someone to translate? Do you want to fuck me? Yeah. To? Yeah. To fuck who? Yeah. Allez-y, Monsieur Trevor, laissez de vous. Yeah. Parce que j'ai problème le mâchoire. Yes, oui, on le sait, oui. Yes. Yeah. So I wanted to say to Monsieur Cousin. Yeah. If Monsieur Cousin. He wants to sell his car. Voilà, et hop. De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Cosette? Il t'explique en fait qu'il est tout à fait d'accord avec nous que c'est un sujet de médias. Hein. Oui. Voilà, et c'est vraiment un assassinat pour lui. Hein. Ouais, bah peut-être, mais bon, on s'en fout. Monsieur Cousin. Bon, c'est la dernière fois que I'm very interested in buying bon. Oui, donc, c'est très a car. R14, monsieur Cousin. Voilà, votre sujet est très intéressant, monsieur Gérard. J'ai acheté R14. Oui, monsieur Trevor. Merci beaucoup. Merci, monsieur Trevor. On n'en a rien à foutre, il se tire. Il veut t'acheter ta femme, putain. Toi, tu la fermes parce que tout à l'heure, tu as retourné au standard vite fait, toi. Il a dit R14. Allez hop, dizzy pute. Oh bah non, dizzy pute, au revoir. Hop, terminé pour toi. J'ai quelqu'un d'autre, j'avais quelqu'un sous le coude. Star pute, bonsoir. Bonsoir, star pute. Bonsoir. Ça tourne autour de la pute. Hein, ouais. Ah bah je ne sais pas, c'est pas de ma faute. Fréquence. On va penser à d'autres noms. 85.7. Putain, quand je dis bonsoir, que je demande les fréquences, je veux que ça aille vite parce que je veux pas m'éterniser là-dessus. Ok, les gars. Bon, alors la question c'est, pensez-vous qu'il est facile d'être une personne célèbre et d'être harcelé de cette manière par les paparazzi, star pute? Bon, écoute... Bon, ça va plus vite. Exactement. Bah ouais, je pense que c'est ça ennuyant, tu vois, parce que bon, t'as des journalistes... Non mais, parles un peu plus fort, mieux devant toi. C'est vrai que c'est assez chiant d'avoir toujours des paparazzi qui courent derrière toi, en moto, en voiture, c'est intenable à longue, quoi. En fin de compte, tu reviens comme on disait tout à l'heure sur l'histoire de comment s'est déroulé exactement l'accident. En fin de compte, hein. Voilà. Et sur l'histoire aussi des journalistes. Donc, je te demande autrement comment que ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Bah, ils sont harcelés, c'est tout. Bon, ok. La Didi Anal. Je pense que c'est normal parce qu'ils ont une vie publique et que tout le monde doit savoir ce qu'ils font. Ouais, mais c'est un peu compliqué. Cosette. Oui, alors moi je dirais qu'en fait les stars sont harcelées par les paparazzites parce que surtout les paparazzites les traitent les stars de chiennes de garde. Je sais pas si tu as entendu ça à la télé. Elles sont traitées de chiennes de garde. Ouais, alors mais ça... ce sont que des stars publiques. Ouais, mais ça de toute manière ça a toujours été comme ça, hein, maintenant. Et pourquoi? Parce qu'on est connu. Tu vois, on est obligé d'être harcelé par les mecs qui te prennent en photo. Mais ça, c'est dégueulasse. On n'y peut rien, malheureusement. T'es un peu connu déjà, et tu vois, il y a des mecs qui te prennent en photo sur ton boulot et qui balancent ça sur des sites. Mais c'est chiant, on a plus de vie privée. On va t'appeler chien de garde après, méfie-toi, Gérard. Mais ça, de toute manière, on peut rien y faire contre ce lascar qui s'amuse à faire des conneries comme ça, et c'est tout. Hein. Ouais, Mathieu. Bah justement, moi j'ai une question. Comme toi, t'es quand même connu, quoi, fun et tout. Bah, savoir si toi, dans ta R14, t'étais jamais harcelé et tout par des parasé. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, non. Star pute. Oui. Un conseil que je te donne. Oui. Tu arrêtes de dire les noms du magazine ou sinon je vais te dire au revoir tout de suite, toi. Très bien. Ok. Très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que j'en étais où là-dessus? Bah, j'avais répondu que c'était un peu dégueulasse. Comme moi en fait. Ouais. Manu. Oui, je voulais accueillir à la place de Dicis la pute Benjamin Dutour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, monsieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Benjamin Dutour. J'appelle de Paris 101.9. Je suis ingénieur technico-commercial chez Mercedes France. C'est une bonne. J'appelle car je ne suis pas très très très content de la tournure que prennent les événements. Il faut savoir, monsieur Gérard, que vous prenez quand même de gros risques à parler de cette histoire, parce qu'il y a une instruction judiciaire en cours. C'est bizarre parce que personne, on n'en entend plus parler de ça. Hein. Il faut savoir que c'est toujours aux assises, monsieur Gérard. Hein. Et donc je pense que la tournure que prend votre débat ne fait pas vraiment une bonne publicité pour l'image de Mercedes France. Justement, vous pouvez peut-être expliquer de votre position. Manu, c'est pas toi qui fais les débats, c'est moi. Ah d'accord, pardon. Je me suis emporté, excuse-moi. Monsieur Gérard, nous tenions, moi je vais vous expliquer quelle est la position de Mercedes France au sujet de ce malheureux incident. S'il vous plaît, oui. Manu, tu fermes ta gueule. Une bonne fois pour toutes. Monsieur Gérard, pour nous, le problème vient de la rupture d'un joint défectueux de l'ABS. Est-ce que vous savez ce qu'est l'ABS, monsieur Gérard? Mais en ligne. Oh, ta gueule, Manu! Ça peut pas arriver, un truc comme ça. Benjamin, pour l'instant, c'est moi qui commande le jeudi, donc t'as pas. Pas en position de force en ce moment. Bon, alors, Benjamin, bonne nuit, au revoir! Benjamin la pute. C'est Benjamin Dutour. Benjamin Dutour. Au revoir! Non, mais ce qu'on peut se demander comme question, c'est en fait. Est-ce que c'est pas. On s'en fout. Non, mais je suis d'accord. Je vais pas passer le restant de la. Gérard, ce qui est intéressant, c'est savoir, monsieur Mercedes, pourquoi il n'y avait pas d'airbag. Comment s'est déroulé l'accident. Mais non, c'est pas ça le problème. Si, mais ça, on va pas s'éterniser là-dessus, j'en ai ras le bol. Monsieur Dutour, excusez-moi deux secondes. Est-ce que c'est pas, en fait, comment je pourrais dire, une espèce de complot d'autres marques de voitures contre vous Non. Apparemment, d'après ce qu'a révélé notre enquête balistique. Ouais, c'est ça, votre enquête balistique, et pourquoi pas mon cul, route balistique. Écoutez-moi, monsieur Gérard. Oh, mais merde. Il faut savoir que la boîte noire a parlé, parce que. Ouais, la boîte noire, elle n'existe pas dans les Mercedes, elle est dégagée, au revoir. Le chauffeur faisait une connerie. Au revoir. Moi, je voulais savoir si elle avait les vitres électriques. Et ta soeur, elle a les vitres électriques. Il y a combien de chevaux? Oh, ta gueule, toi. D'accord. Oh, sois gentil. Bon, maintenant, c'est terminé avec cette histoire parce que je commence à en avoir plein de cul des connards qui ça, vraiment plein de comme ça. Bon, est-ce que le troisième. On en était où là? À la septième. C'était quoi la question où on était là? C'était Brité. Non, mais ça c'est intéressant ça. Ah, oui. Mais ça y est, c'est fini. Mais pourquoi? Oh, tu fermes ta gueule avec tes pourquoi tu me fais chier, d'accord? Moi j'ai une histoire avec donc là sur internet avec la famille royale. S'il te plaît Mathieu, Donc de la part de Easy Love, donc comme quoi il y aurait le prince Charles qui aurait eu aussi un problème, lui c'est son carrosse, il serait fait bouffer les couilles par un cheval. Ouais, bah, c'est des conneries. Non, encore. Mathieu, t'es nouveau, tu sais pas encore. Bon, allez, septième. Est-ce que le treizième poteau de l'Alma est la cause de la mort de la Didi? La Didi. Star pute. Bon, écoute, moi je pense pas déjà. Ta gueule à toi, gros con. D'accord. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'on pense Manu en fait. Bon, toi tu fermes ta gueule ou je te dis au revoir, toi? Eux ils répondent jamais. Non, mais eux ils ont rien à dire, ils font leur boulot au standard et c'est tout. C'est avec vous que je discute, c'est pas avec eux. Mais ils ont des idées aussi. Non, mais eux, quand ils actent, c'est pour dire des conneries. Alors. Moi je suis d'accord avec Gérard, hein. Moi je vais répondre à la question. Non, toi tu as terre. Star pute, c'est pas toi qui commandes, d'accord? Ou sinon tu vas dégager. Ok, alors Star pute, au revoir. Allez, hop. Alors, excuse-moi, tu as viré Star pute, hein, tu as bien fait. On accueille donc Momo à la place, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Momo, bonsoir à tous. Bonsoir Momo. Fréquence. Ça va bien, c'est 105.4. Combien? 105.4. Voilà. Alors les Didi, tout ça, comment ça se passe? Oh alors, putain, mais il va s'affirmer sa gueule, lui. Il va pas commencer parce que sinon il va retourner au standard tout de suite. Puis. Autant pour moi, Gérard. Cosette, alors c'est toi qui voulais réagir tout de suite? Tu peux répéter la question, s'il te plaît, parce qu'avec tout ce brouhaha, j'ai rien compris. Est-ce que le 13e poteau de l'Alma est la cause de la mort de Lady Di? Mais bien sûr que non, c'est la voiture blanche qui est la cause. Mmh. Ouais, mais ça, on en a assez parlé tout à l'heure. Hein. Ah oui, ben moi je suis pas d'accord, c'est pas la cause. Moi, si je peux me permettre, Gérard. Attends, pour l'instant, je t'ai pas adressé la parole. C'est pas le troisième poteau qui a fait que son cerveau a sauté, hein. Non, mais ça, de toute manière, il y a des trucs qu'on va en parler. C'est là. Bien avant, hein. On va en parler là tout de suite après cette question-là. Alors donc, on verra bien. D'accord. On verra bien exactement comment ça s'est déroulé parce que donc. Ah, je pense donc, qu'elle a été quand même éclatée de partout, hein. C'est horrible à dire, mais je pense qu'on voyait plus son visage ni ses seins, ni plus rien. Hein. De la bouillie royale. Hein, oui, c'était dilaté complètement. Ah oui. Royal Ken. Merci pour la pub. Anal. Oui, bah moi je pense que c'est effectivement l'écrasement de la princesse dans la voiture, quoi. Il n'y avait pas de renfort axio, on leur a dit à Mercedes. Eh non, Momo. Oui. Tu t'écrases. Non mais genre, t'es pas d'accord avec moi que Mercedes, des fois, enfin, sans citer les marques, hein, je dirais... Ouais, bah, pour l'instant, tu viens de citer les marques, d'accord. Alors tu vas bien te taire. Est-ce que t'es pas d'accord avec moi que des fois, ça manque un petit peu de sécurité, qu'ils auraient dû faire des renforts axiaux, des renforts latéraux, des airbags pour les passagers arrière, hein. Parce que c'est abusé quand même. Non, mais ils auraient surtout dû mettre des airbags au poteau, quoi. En plus. Parce que maintenant, le poteau, c'est n'importe quoi. Il ferait mieux de mettre un airbag sur ma gueule, je sais. Voilà. Mais non, c'est bien ce qu'il a dit, Manu. Alors, Momo, au revoir. Non, pas du tout. Si, au revoir. On a imité ma voix. Non, mais c'est terminé, au revoir. C'était voix de fille. Au revoir. Au revoir. Merci, je comprends pas, il comprend plus que les balles. Ouais, j'ai donc sur le net Lady Mitchell qui me dit comme quoi ça serait des mines qu'elle avait dans le coffre en fait par rapport à son association et en frappant le poteau ça a explosé. Non, c'est pas du tout ça, donc ça a rien à voir. Y a personne d'autre, hein. Si, j'ai quelqu'un. Mais tu me cries dessus. Bah alors, on accueille donc Monsieur X, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Cussin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur X. Fréquence. Hey, tu parles plus fort devant ton micro. Alors, je suis pas censé dire. Tu donnes ta fréquence. Je ne peux pas. Bon, d'accord, je vais quand même. Envire-le, il est nul. 102.8. Alors, donc, son 2-8, tu veux réagir à la question? Bah écoute, effectivement, oui, puisque dans la fillette blanche, c'était moi. Bon, ouais, ouais. Envire-le. Allez, hop, bonne nuit, parce que... Bonne nuit. Je vais pas faire... C'est pas possible, au revoir, j'ai dit. Manu, tu me le retires de l'antenne, s'il te plaît, merci. Oh là là. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, personnellement, ce qui s'est produit, on ne sait pas si c'est vraiment... Ouais, mais Fildor, c'est sympa, le double... Excuse-moi, c'est pas moi. Donc, en fin de compte, l'histoire du 13e poteau, pour moi, c'est pas vrai, c'est faux, en fin de compte. Ce qu'il y a, c'est que, d'après ce qui a été dit, on en revient encore sur comment... D'accord avec moi, quoi. Bah, disons pas, je suis d'accord avec toi, ouais, bien sûr, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on revient encore sur cette question par rapport à la question 3, comment s'est déroulée exactement la question. Donc, en fin de compte, on va pas encore s'éterniser. Ouais. Donc, alors, on va pas... Il y a quelqu'un d'autre, Manu? Ouais, j'ai du monde. Bah, donc bah, on a Gustave Durand, c'est toi. Hein. Donc on y va, Gustave Durand. Il dit bonsoir. Salut, bonsoir. Gérard. Salut, la fréquence. Oh, 1.9, j'appelle de Paris. Et donc on a aussi Jean Poulpe. Bonsoir Jean Poulpe. Bonsoir à tous, bonsoir. C'est 105.4. Voilà, d'accord. Bonne de la demander. Quelle charmante voix. Merci. Donc pour... Pour en finir avec l'histoire là, donc Jean Poul et Gustave là. Jean Poul, ben il y a un P. Hein. Oh là là. Oui, bon, celle qui dit oh là là, faudrait la virer. C'est pas très bien. À mon avis, elle est frustrée. Je vous demande de répondre aux questions, je vous demande pas de vous occuper si je vire les deux nanas ou pas. On était au standard, on n'a pas trop entendu ta question en fait. Alors, est-ce que le 13e poteau de l'Alma est la cause de la mort de la Didi? Jean Poul, si je peux me permettre. Jean Poul, j'ai la parole, vas-y. Bon, moi je te dirais, Gérard, que pour moi ce pilier est maudit. Hein. Ce 13e pilier du pont d'Alma est maudit. T'as vu, je pense que le numéro 13. Ça répond pas à la question. Hein. Non, mais je vais répondre à la question, t'inquiète pas. Non, je disais que donc ce pilier était maudit parce que pas plus tard qu'hier, j'étais en scooter, Gérard, et devine qui j'ai vu là-bas. C'est Stéphane Bern en train de prier devant le 13e pilier. Et c'est devenu n'importe quoi. J'ai vu des autocollants Camel Profi. Bon, allez, Jean-Paul, au revoir. Sur le 13e pilier, il y a des mains qui collent. C'est n'importe quoi. Au revoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à l'endroit du pont, en fait. Au revoir. Où il y a la flamme. Jean-Paul, au revoir. C'est un peu un lieu culte, hein. Non, c'est vrai. Non, mais il y a des trucs bizarres. Il a raison, Gérard. Non. Ok. Non, mais pourquoi? Non, mais Jean-Paul, au revoir. Mais pourquoi t'as abusé, là? Non. J'ai des trucs à dire, moi. Bon, alors, tu te dépêches parce que j'en ai ras-le-bol, là. Bon, je te disais que dans le pilier, il y avait des autocollants, c'est devenu un pèlerinage de fanatiques, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi, maintenant. J'allais dans ton sens, Gérard. Hein. Moi, j'adore Gustave. J'adore ta femme, j'adore ta voiture. Hein. Bon, bah, moi, je te dis au revoir, allez hop. Et t'es garé où? Au revoir. T'es garé où? Gustave. Oui, bah écoute, poteau ou pas, hein, 13e poteau ou pas, je pense que s'il n'était pas là, de toute façon, il serait pris le mur d'à côté ou une voiture. Donc, le résultat serait le même. Hein. Bah oui. Ouais. Voire pire. Gérard? Qu'est-ce que tu deviens? Non, mais Fildar, tu commences à me faire chier. Pensez-vous que les secours auraient pu sauver. Oh, tu fermes ta gueule, Gustave! Ah, pardon. En Cosette. Non, c'est pas Cosette, je ne l'invirerai pas. Mais si, c'est elle. Je ne l'invirerai pas. Parce que Manu, depuis tout à l'heure, il me fait voir des piges. C'est Cosette, je pense que non, c'est pas vrai, c'est moi. C'est vrai que Gérard, il a bien kiffé sur Cosette. Hein. Depuis tout à l'heure, Manu, il a... Qu'est-ce qu'il a dit, Manu? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Manu? Manu, il a répondu, elle se foutait de ta gueule. Non, c'est pas vrai. Alors, il a bien craqué sur toi, Cosette, Gérard. Tu sais que s'il était pas avec sa grosse, il va bien te prendre. Toi, fils de pute! Je t'ai dit, mais moi, je peux pas t'en dire autant. Moi, je te dis ta gueule! T'as bien kiffé sur sa voix, quand même. T'es vraiment un porc. 8e question. Pensez-vous que les secours auraient pu sauver la Didi s'ils étaient... S'ils avaient été plus rapides, Gustave. Non, je pense pas. C'est une fois que le choc est arrivé, la médecine, dans ce cas-là, ne peut rien faire. Non, mais je te parle pas de la médecine, je te parle de secours. Non, je vais te dire non, tout de suite. C'est pas possible. Elle était dans le coma, elle est morte quelques heures après, c'est ça? J'ai l'impression que les secours ne sont pas arrivés très rapidement, en fait. Ouais, c'est pour ça le souci, en fait, qu'on se pose avec Jean. Non, mais ça, de toute manière, on va en savoir plus. C'était peut-être des secours leader press, hein, je sais pas. Allez, hop, au revoir, Gustave, ça t'apprendra de citer des marques. Hop. Au revoir. Alors, Cosette. Ouais. Eh ben, moi je dis les secours, ils auraient mieux fait de pas picoler avant, hein, comme toi, parce que comme ça, Cosette, elle n'aurait pas mouru. Bah tu vois, au revoir, bah, Cosette, tu vois, ce coup-là. Tu vois ce que je te dis? Au revoir. Qui c'est qu'on a maintenant là? Eh ben, on a toujours Lady Diana, les gens poulpes. Non, je lui ai dit au revoir à celui-là. Non, mais non, je l'ai toujours, il est cool, quoi. Je suis toujours là. Pas de problème avec Jean Poulpe. Ah, ça se passe bien. Bon, alors tu réponds à la question, je te dis au revoir pour le vrai. Le problème avec la question, je vais t'expliquer ça vite fait, Gérard, c'est que j'ai été repris par Manu juste au moment où tu l'as posé. Non, c'est vrai, Pensez-vous que les secours auraient pu sauver les Didi s'ils avaient été plus rapides? Ah ouais, ils ont mis trop de temps, ça c'est vrai, Gérard, franchement. C'était mal indiqué en plus. Je te signale. Il y avait bordel dans Panama. Ouais, je te signale, à 3h du matin, alors que c'est arrivé, il n'y avait personne sur la route, hein. Donc alors arrête de dire des conneries. Bah, Gérard, il y avait beaucoup de témoins, tu sais, ça a fait. Non mais attends, de toute manière, tout était dès qu'il y a eu l'accident, tout était bouclé. Hein. Je crois qu'en plus l'ambulance qui est venue en fait sur les lieux était un hôpital qui était vachement plus loin qu'un hôpital qui. Non. Ce qu'il y a, c'est que on va laisser parler la Diana et puis après on va répondre. J'ai des choses à dire. En fait, moi j'ai entendu et c'est vachement vrai que s'ils l'avaient emmenée tout de suite à l'hôpital, s'ils n'avaient pas essayé de la soigner sur place, elle aurait été vivante. Non, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui s'est produit, donc pour moi, ils sont arrivés assez rapidement parce que de toute manière, ils sont obligés. Et donc, il n'y avait personne à 3h du matin sur les routes, comme me dire Jean Poulpe. Ce qui s'est produit, c'est qu'en fin de compte, elle n'est pas morte sur le coup, et elle est morte pendant son transfert à l'hôpital. Elle est morte pendant son transfert à l'hôpital, donc ils ont essayé de la réanimer sur place, et elle est morte pendant son transfert à l'hôpital. Excuse-moi Gérard, pourquoi tu parles de transfert, elle joue pas au foot? Ok Manu. Aïe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ça. Une vanne de D2. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les secours. 450 francs pour la voiture de M. Cusin. C'est une affaire, c'est une flambie mobile. Bon, Manu, je sais pas d'où il vient. Je me remets encore une seule fois. Je me casse. D'accord, j'arrête à 1h30. La voiture de M. Cusin. Le trafic de yaourt, mec là. Putain. Il y a des yaourts aux gosses, Gérard. Alors, Jean Poulpe, au revoir. Dealer de yaourts. Voilà, comme ça. Ah, mais on est bien avec Lady Diana, on est solo, on est bien. Mais Cosette, elle est où, Cosette? Mais Cosette, elle est partie, elle l'a traité d'alcoolique. Non. Mais si. Manu, un conseil que je te donne, tu fais ton boulot, tu me retrouves des auditeurs rapidement. Bah, j'ai Dodi. Pourtant, t'avais bien kiffé sur Cosette quand même. J'ai Dodi Lafayette. Non, j'en ai rien à foutre, tu me le retires ou sinon j'arrête le débat et donne l'antenne à. T'es con quoi, je viens de le prendre, il est jamais passé. Non, tu l'as déjà pris. Non. Mais non. C'est qui? Dodi Lafayette. Mais alors, tu peux le dire avant? Tu peux ou pas? La fréquence. Zoomer, c'est Dodi Lafayette, c'est 117.7 à Glavio Chaffezan, bonsoir. N'importe quoi, cette fréquence. Tout à fait, 117.7. Et c'est du quel côté? C'est fun, c'est dans Lyon-Maritime. Dans Lyon-Maritime. Dans Lyon-Maritime. Tout à fait, oui. La partie côtière. Ouais, tu te voudrais bien de ma gueule, tu te voudrais pas de ma gueule un peu. Attends, révise un peu ta chéo et puis tu vois. Il y a l'hôtel de la plage là-bas. Bah, tout à fait, Lyon-Maritime, j'y reprends une carte ce soir en rentrant. Je sais ça, allez, ouais, ferme. Il en fait plein des cartes dans son pieu. Écoute, c'est ce que je dis quand même. Bon, on verra, je contrôlerai la fréquence. Vas-y, contrôle. Parce que Lyon. Lyon-Maritime. Ouais, c'est ça. N'y a-t-il pas eu un sabotage sur la voiture de Lady Di? Ouais, mais putain, c'est encore. On en revient. Ça revient un peu même. On tourne en rond, là. Comme eux, ils tournaient en rond, mais. On revient sur la question 3, donc on va encore s'éterniser là-dessus. Et c'est quoi la prochaine après? La prochaine. Donc, c'est la combien? C'est la 10. Oh putain, merde. C'est la combien? C'est quoi la suivante? Parce que. Et est-ce que les normes de sécurité du pont de l'Alma sont valables? Ah, c'est une bonne question, ça. Faites bien ça. Par rapport au pont au poteau au milieu. Par rapport au poteau. Par rapport aux autres ponts qui où il n'y a pas de poteau. Juste avant, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, par rapport à l'autre pont, pont des Invalides. Voilà. Je vais accueillir quelqu'un pour répondre à cette question avec les autres parce qu'ils sont deux. Donc on va accueillir Fiat Pousseau. Bonsoir. Salut Gérard. Bonsoir Fiat. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Fiat. Salut. Bonsoir. Fréquence 101.4. Hey, hey. Quand tu dis bonsoir, tu donnes ta fréquence, comme ça va plus vite pour moi, d'accord? Excuse-moi, pas de problème. Donc la question, est-ce que les normes de sécurité du pont de l'Alma sont valables par rapport au poteau au milieu, donc par rapport à l'autre, au pont, par rapport à d'autres ponts? Par rapport à d'autres ponts, il y a le pont des Invalides qui est pas loin. Pont des Invalides, voilà. Alors, vous avez compris la question ou Gérard doit l'expliquer? On va improviser, oui. T'inquiète. Chat Pousseau, parce que c'est une question intéressante en plus. Oui. Chat Pousseau. Écoute, je dirais que les normes de sécurité, elles doivent être réglementaires. Mais bon, dans un tunnel comme ça, tu passes pas à 80, quoi. Mmh. Bah, déjà, c'est ça qu'il faut voir. De toute manière, on en a assez discuté tout à l'heure. Il allait quand même assez vite, hein, d'accord. Ouais, voilà. Donc, Manu, oui. Oui, juste un quatrième auditeur hein, pour compléter le tableau. On accueille Oxmo Porcino, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Oxmo. Salut Gérard, l'enfant seul. Salut Oxmo. C'est toi. Fréquence 105. C'est toi. Tout rond, tout beau, tout frais. Bon alors, Fiat Pousseau, donc on en était avec toi. Ouais, bah donc moi je disais qu'en fait, c'est pas totalement les normes de sécurité, quoi. Faut pas juste rouler. Ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est que. Faut dire non. Que. Oui, vas-y. Il roulait pas doucement c'est non pas plus. Ça, c'est pas roulé bourré, quoi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pourquoi sous ce pont, il y a des poteaux au milieu. Sur les autres, il n'y en a pas. Bande de blaireaux. Si. Attends, moi, je peux te dire qu'il y en a du côté du. Sur le pont, là, qui rejoint la porte maillot. Il y en a, hein. Il y en a des poteaux sur celui qui sort du boulevard Pereire. Mais c'est sûr qu'il trouvera toujours un pont avec des poteaux. Il y en a aussi là-dedans. C'est un mur en ciment. Ouais, c'est pas pareil. Je veux te dire une chose, c'est pas pareil. Mais le virage est quand même assez grave aussi là. Le mec qui sort. Attention, il conduit maintenant, il sait de quoi il parle. Ouais, ben tu te tais toi. Attends, il est en deuxième, il va pas plus loin. Ouais, c'est ça. Fiat, alors toi. Moi, je t'ai déjà répondu deux fois, là. C'est bon, tu te gardes. Osmo. Ouais, pour moi, les normes de sécurité étaient à la hauteur de l'événement. Franchement, pour moi. Pourquoi? Non, mais voilà. Pourquoi il y a des poteaux? Pourquoi il y a des poteaux sur ce putain de pont? C'est un problème de déco, ça. Qui a fait le pont? Est-ce qu'on a un nom, là? Non. Bah, non. On sait pas qui c'est qui a construit les ponts, hein. À mon avis, c'est un complot, hein. On sait qui dort dessous, mais on sait pas qui les construit. Ouais. À mon avis, Gérard sera pas contre moi, je suis sûr. Non. C'est que c'est un vieux pont. Ouais. Et qu'ils ont pas fait, tu vois, ils ont pas la même structure, en fait, les nouveaux ponts que le pont de l'Alma. Donc ils sont obligés de le renforcer au milieu avec des poteaux. Exactement. Ouais, mais faut dire une chose que celui qui a été construit, là, il y a pas longtemps et qui a été inauguré, il a été refermé parce que les normes de sécurité ne correspondaient pas aussi, hein. Celui de. C'est le Charles de Gaulle. Non, mais je te parle pas. Putain, mais t'es con toi ou quoi? Mais si, pour les normes de sécu, tout ça, il était pas aux normes. Eh, celui qui vient de se construire là? Non, c'est pas le problème, c'est pour la bibliothèque ça. Tocqueville ou? Non, il y en a un là qui vient de se construire, je suis pour aller sur l'île de Ré, ça, mais ça n'a rien à voir. La ligne Maginot? Non, c'est bon, on va pas s'éterniser. Dodi? Ouais, bah écoute, c'est vrai que, comme disait Philou, il m'a coupé la weed sous le pied, c'est un problème de structure. Il faut savoir que quand même un pont ça tient pas tout seul. Faut quand même être réaliste. Je sais que toi t'as pas forcément des notions d'architecture très très très poussées, mis à part la cabane. Mais c'est vrai qu'il faut que ça tienne quand même. Faut quand même voir qu'il y a du trafic sur le pont parce que toi tu parles en dessous, mais faut voir au-dessus aussi. Ah, il y a de la route. Voilà, il y a de la biroute au-dessus, donc forcément il y a du trafic, il y a du passage, donc bah il faut renforcer en dessous. Hein. Ça me paraît logique malheureusement. Mais pourquoi il y a des poteaux? Parce que à la base ils voulaient faire un mur, mais ils se sont dit on va gagner un peu, on va juste faire des poteaux quoi. En fait ça fait un mur avec plein de trous. Mais pourquoi? Oh ta gueule toi. Bon, Daliana là. À mon avis, pour répondre à celle-là, il y a des poteaux pour soutenir le pont, mais... Bah oui. Mais pourquoi il n'y en a pas? Putain, mais vous me faites chier. Non, mais c'est ça la vraie question. On suit de la même façon. Il y a moins de trafic sur l'autre pont, donc il y a moins besoin de soutien. Mais de manière, cette question, excusez-moi si je peux me permettre, est-ce que c'est pas la mairie de Paris qu'aurait fait ça exprès? Est-ce que tu parles de Tibéri, là, Manu? Oula, tu vas loin, Manu. Ouais, Manu, tu ferais mieux de fermer ta gueule et ça va mieux. Question sur l'IRC. Ouais, j'ai une autre possibilité, moi. Ok, Mathieu. Okay, mais pourquoi, en fait, il y a des photos? Ta gueule! Un bizutage. Ok, Michel. Comme tout le monde. Merci. Ouais. Non, mais c'est bon, Mathieu, c'est bon. Ok, d'accord. Ouais, tu peux y aller. Laisse tomber, ça sent le clavier. Toi, tu fermes ta gueule ou je te dis au revoir. Je vais pas. Bon, bah vas-y, Mathieu, on va pas attendre deux heures. Lady tout ce qu'il pense, qui me dit donc en fait, ça serait la machine à faire des pointillés sur les routes qui aurait déconné. Mais au lieu de faire des petits pointillés, ça fait des gros pointillés. Non, ça n'a rien à voir avec l'histoire des ponts. Toi, Gérard, pour redevenir un petit peu sérieux, t'aurais fait le pont comment? Moi, j'aurais rien fait du tout. Non mais ce qu'il faut se poser comme question. Non, attends, toi, tu vas fermer ta gueule. Attends. Non, mais c'est ça. Vous allez fermer vos gueules, les auditeurs, c'est moi qui commande. Laisse-le. Mais pourquoi? Tu vois, pourquoi elle s'est crachée sous le pont de l'Alma? Mais pourquoi tu fermes ta gueule? Non mais c'est pas compliqué à comprendre. Pourquoi elle est tombée et elle a eu l'accident sous le pont de l'Alma et pas sous le pont des Invalides? Parce qu'il y a des poteaux. Voilà. Pourquoi il y a des poteaux donc? Et pourquoi tu as fermé ta gueule? Elle sera morte noyée. Et toi tu fermes ta gueule? Ouais, attendez les mecs, un truc qu'il faut penser, c'est que le dessus du pont a été fait avant le dessous. À la base c'était un pont du dessus. Bah, bon, si, allez, ferme ta gueule. GG, soir Ali, c'était un allez, pont. Allez, terminé. C'est une taupe, Cacrodin, toi alors. Alors pensez-vous que l'affaire. Frère Jacques, couille plate, voilà la bassine, entre les grossesses, dig dang. N'importe quoi. Ouais, c'est ça, ça fait rien. Ta gueule, on voit ça. Et alors, on va s'écouter Steve Austin Mini avec un poteau, ça va 13, bonjour. Quoi, oh là là, dur. Vas-y, reprends-le avec des... Steve Austin Mini avec un poteau, ça va 13, bonjour les dégâts. Et on se retrouve après pour la suite. Répète la question. Et la question, c'est pensez-vous que l'affaire Ludidi est une affaire classée? Et on se retrouve après pour la suite et la fin du débat. Pourquoi connard? Allez, hop, dehors. Les débats de Gérard. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et voilà, on est dans... Oh, c'est chaud, ça. Fudler, c'est pas la peine d'en profiter parce que le chef, il est parti. Hein. Ah bon, il est parti? Je savais même pas. Donc, on vient de s'écouter Steve Austin Mini avec un poteau, ça va. 13, bonjour les dégâts. Donc, on en a parlé, juste avant. Osmo, rebonsoir. Bonsoir, ça va bien? Fiat Pousseau. Ouais, c'est plus comme nom. Salut, connard. Au revoir. Ah, c'est dommage. Au revoir. En direct, hein. Ah, bah, terminé. Le mur. Dodi, 117. Dodi, rebonsoir. Alors, t'as vérifié, c'est bien ça, t'as vu. Et Daddy Anal pour finir. Oui, Daddy Anal, oui, rebonsoir. Et donc, la question, c'est pensez-vous que l'affaire Lididi est une affaire classée? Donc, Osmo. La vérité est ailleurs, Gérard. Non, pour moi, c'est pas classé, hein, et ça sera jamais classé. Hein. Il y a eu des trucs bizarres quand même dans cette affaire. Hein. Non, mais de manière, faut. Dodi. Ouais, bah écoute, non. Bah, l'instruction est en cours, hein, donc on peut pas dire que c'est classé. Hein. On n'a pas encore tous les éléments. On verra. Moi, je pense qu'on les aura. Franchement, si je pense qu'on les aura jamais. C'est niqué. De toute façon, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Ça sera un peu comme l'affaire Kennedy, en fait. Ouais, voilà, Dodi. Ouais. Attends, 5 minutes. 51. Voilà, Daddy. Daddy Cool. Ouais. Daddy Anan, là. Oui. Donc pour toi? C'est pareil, on ne saura jamais, quoi. Mais ça ne pourra jamais être dit. Ou alors, je pense. C'est jusqu'à là. Je pense qu'on sera mort quand ce sera dit, quoi. C'est jusqu'à là. Elle me trouble, hein, ma gauche. Tout le monde, elle est immonde. Pour moi personnellement, c'est une affaire qui a été vite bouclée parce qu'on n'en entend plus parler. Parce qu'ils ne peuvent pas en fait donner le à mon avis, ce serait trop la solution, quoi. Mais ouais, mais même de toute manière, ils ont toujours pas retrouvé cette fameuse voiture. Donc, excuse-moi. Si ça se trouve, ils l'ont retrouvé, ils veulent pas te le dire. Non, mais même, à mon avis, de toute façon. Pas le dernier au courant. Non, mais même. C'est Scotland Yard. En plus, t'as changé de numéro de portable, donc. Non, mais même, ils ont. Il a repeint la voiture, en plus. Ils ont nettoyé. Ils l'ont carrément. Pour moi, ça a été une affaire vite bouclée, donc apparemment, on ne saura jamais les causes exactes de l'accident. Mais pour toi, Gérard, c'est qui? Ouais, t'as une théorie, toi. Personnellement, de manière, ils sont toujours à la. On n'en entend plus parler pratiquement de cette affaire. Ils attendent un peu que ça se tasse, tu vois. Non, mais même. Ils vont sortir ça dans 6 mois. Ben excusez-moi si je peux me permettre, mais bon, pourtant, c'est bien tassé. Hein. Ouais, mais c'est. On parle pas des vertèbres de GG quand même. Osmo. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas lui. Alors, Dodi. Non plus. Si, c'est toi. Au revoir. Dodi, au revoir. C'est pas vrai. Au revoir, Dodi. Mais pour en revenir à ce que tu disais, toi, ta thèse personnelle. Personnellement, ça a été Gérard, ils viennent te chercher, fais gaffe. Ta gueule un peu, Manu, s'il te plaît, merci. Profitez-en pas que Max soit parti pour foutre votre merde pour finir. Ça n'a rien à voir, Gérard. Non, mais sérieusement, tu penses à quoi? Non, mais personnellement, ça a été vite terminé. Non, mais ça, oui, on a compris. Mais toi, tu prévu... C'est la Mercedes, c'est le poteau, c'est le chauffeur, c'est quoi? Il y a un avis, c'est obligé, t'as un cerveau, t'as un avis. Mais même, de toute manière, on en a assez discuté sur la troisième, donc pour nous, pour moi personnellement, ça vient de l'histoire avec le chauffeur, et puis il y a ce fameux Fiat aussi qui a pas été retrouvé. C'est le chauffeur qui est décédé ou c'est le garde du corps? Le garde du corps. Non, le chauffeur. Non, c'est le chauffeur. C'est le chauffeur qui est décédé. Le garde du corps, on l'a eu tout à l'heure. Non. Le garde du corps, c'est Trevor Jones. Si. Non. Il y a qui était devant à droite, à la place du mort, généralement. Et comme quoi, c'est pas vrai. Donc, c'est terminé. Terminé, on a fini là-dessus. Ouais, j'ai Vachelady qui pose une question. Est-ce qu'un pro du volant aurait pu éviter l'accident? Je pense pas. C'est vrai, ça se trouve, c'était peut-être pas un bon chauffeur. Est-ce qu'il avait son permis? Ah, on sait pas. Si je peux me permettre une boutade, c'était peut-être le frère Arsena. Deux Arsena. Ou son cousin. Les deux. Manu, tu fermes ta gueule. D'accord. Et Osmo. Oui. Ah non, c'est pas moi encore, le plus calme. C'est Dodi là, je t'ai dit au revoir. Mais non, c'est pas moi. C'est toi que je viens d'entendre, donc au revoir. Au revoir. Je suis en descente. Ça y est. Dernière question. Je voulais te poser une question, Gérard, excuse-moi. Si par exemple, enfin, donc, si tu dis que c'est le chauffeur en fait, tu vois qui. Je vois où tu veux en venir. Si c'est le chauffeur qui est responsable, mais j'ai envie d'aller au fond de cette histoire. Oui, mais il faut. Si c'est le chauffeur qui est responsable, donc c'est sa famille qui doit payer au chauffeur. Ouais. Mais non, mais de toute manière, ça coûte cher un pilier. Putain, mais personne paye là-dessus. L'histoire, elle est. Mais qui paye les pots cassés, merde? L'affaire a été classée, c'est tout, on en reste là. Mais toi, en tant que pilier de bar, tu devrais doit-on parler encore de cette affaire en ce moment? Et ça sera la dernière question. Et pour cela, on accueille Mister Cocktail. Bonsoir. Salut, la fête est plus folle. Allez, pour finir, une devinette. Mon premier est une mythe. Mitterrand. Manteau est un président de la République mort. C'est pas vrai dur. Balladur. Mister Cocktail, ta fréquence. La fête est plus folle. Mister Cocktail. Profitez-en. Alors, c'est 102.7, j'appelle à San Francis, près de comique. C'est trop drôle. Tu peux répéter ta fréquence, connard? 104.2, wouhouhou. Pêche-toi, connard. Dernière question, doit-on parler encore de cette affaire en ce moment? On va demander à Mister Cocktail. Et c'est pas possible de parler de cette affaire, parce que c'est pas très là. Ok. Non, je pense qu'on va pas en parler de cette affaire, genre, hein, c'est close. Hein. Ben, je pense aussi. Ouais. Osmo? Oui, je pense qu'on continuera à en parler, parce que c'était quand même une belle femme, hein, qui est morte. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il faut en reparler ou est-ce qu'il faut que ça reste classé, cette histoire? Non, je pense qu'il faut en reparler tant qu'on saura pas qui est-ce qui l'a tué et pourquoi. Bon, ok. Et Dodi, pour finir. Dodi Anal. Lydie Anal, d'ailleurs. Moi, je pense qu'on en reparle. La preuve, c'est qu'on le fait en ce moment. Et non, on ne devrait plus en parler. Non, mais de toute manière, c'est le deuxième débat qu'on fait sur ce. Non, c'est le premier. C'est le deuxième. T'as jamais voulu qu'on en parle. Si. C'est vrai. C'est le deuxième qu'on fait. Non, c'est vrai que t'as jamais voulu en parler. Si. En fait, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on attende en fait d'avoir des nouvelles sur cette affaire pour refaire un débat. Pour approfondir encore. Plus creuser, quoi. On a retrouvé la bagnole ou. Non, mais de toute manière, c'est terminé. Donc, pour la conclusion, on accueille Lady Harry. Bonsoir. Salut à toi. Oui. Je t'ai pas dit de me repasser un auditeur, j'attends, il y a un truc à dire. Bonsoir. Ouais, attends, il y a Matthews. Bonsoir. Oh, ta gueule. Mitchell. Tu me le coupes là. Bonsoir. Ouais. Merci. Il y a Lady que des conneries qui dit, comme quoi, au musée Tussaud. Paraît-il que Lady, elle a sa statue là-bas et elle est encore normale. Ils trouvent que c'est un scandale. De quoi? Où? Au musée Tussaud. C'est où ça? Mais genre, il y a des poupées en cire de toi, par exemple. N'importe quoi. Par contre, moi, ce que je comprends pas, elle est en taille normale. Visiblement, elle est pas esquintée, quoi. Comme il y a eu l'accident, normalement, il devrait lui donner des coups de poing dedans et tout. Ouais, c'est ça. Un accident. Mais d'accord. Qui c'est qu'on accueille là pour la conclusion? Lady Harry. Bonsoir. T'es jeune, tu te cherches. Bonsoir, GG. Salut. Alors, on écoute Fun sur 116.6 et à Chancre sur Anthrax. Bonsoir. Donc, tu réponds pas à la dernière question. Est-ce que je peux vous la répéter, s'il te plaît? Doit-on parler encore de cette affaire en ce moment et ça sera la fin du débat? Moi, je pense que cette affaire, elle est comme le Didier, elle est morte et enterrée, donc il vaut mieux pas remuer, quoi. C'est suffisamment triste, je sais que c'est la fête des morts, que tout ça, que c'est l'occasion d'évoquer un petit peu tout ce milieu-là, quoi. Mais bon. Laissons les morts où ils sont. Mais tu t'es prise pour Stéphane Bern, Gérard, ou quoi? Non, mais c'est... Non, alors, conclusion du débat... Tu rigoles, il est moins 10, donc on continue. Non, non, c'est terminé. Non, mais il y a un truc qui fait... Non, mais attends. On tire un quart de ticket resto. On a une question bonus, là, pour savoir... C'est terminé, je dis. Non, mais... Attends, en plus, excusez-moi. Tu rentres en caisse, donc tu seras chez toi plus tôt. Non, mais j'avais juste une question à poser à Gérard, c'est... Vous fermez vos gueules un peu. Oui, bien sûr, t'es gourdasse à foutre. Gérard... Attention, il commence à faire froid et ça glisse. Gérard... Excusez-moi les auditeurs, oui, vas-y. De vouloir approfondir encore un peu plus ce débat. Non, non, mais moi, tu commences à me casser les couilles. Moi, j'ai dit que c'était terminé, donc tu vas pas me casser les couilles. C'est une simple question rapide, c'est pas méchant. Ouais. Tu vois, les Didier, elle avait deux enfants avec le prince Charles. C'était le prince Philippe et, ou le prince je sais plus quoi. William. Moi, tu vois, ma mère, elle décède dans un accident de voiture comme ça. Je me pose des questions, tu vois. J'essaie d'approfondir l'enquête. Est-ce que tu crois que ses enfants essaient de savoir vraiment la raison de, du pourquoi, du comment? Mais lui, il a fait une conférence. Bonne question. Oh ouais, tu me le coupes là. J'ai posé la question à Gérard. Hein. Ouais, bon. Le prince William, ça fait une déclaration à la presse en disant qu'il n'en veut plus en entendre parler. Et le bouquin, il veut pas qu'il paraisse. Il a surtout dit qu'il voulait bouffer la chagade de Britney Spears. Hein, c'est ça. Arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire des conneries. Excusez-moi, mais pour revenir sur une question qui m'a plutôt intéressé et qu'on n'a pas développé assez à mon avis, c'est au niveau des piliers. Oh ta gueule avec tes piliers, tu veux gothique ou tu veux mieux d'aller voir dans un terrain de rugby s'il n'y a pas des piliers pour ta gueule. J'ai une question à te poser encore. Ouais. Vite fait, parce que c'est la fin, alors. Il y a le temps. Attends, le temps qu'il démarre, il démarre à l'heure 14, pour au moins une petite carte. Ta gueule, t'as à la manivelle, alors. Avec ta 205. Oh, ma gueule! À ton avis, si Lady Di et Dodi n'étaient pas morts, ils seraient mariés, qu'est-ce qu'ils seraient devenus? Normalement, c'était prévu qu'ils se marient aussi. Donc. Il fallait quand même qu'il y ait divorce avant. Ouais, mais ça, c'est... On sait pas exactement, mais... Comment chez les rois, parce que tu... Jacques, courrier... Bon, tu arrêtes, ça fait bien, s'il te plaît. C'est pas moi. Si, c'est toi, tu me fais chier, celle-là. Tu arrêtes parce que ça m'énerve. Oui, et je voulais dire comment ça se passe au niveau du divorce, parce que ça n'a jamais été prononcé en fait avec le prince Charles. Bah on sait pas. Si ça a déjà été prononcé. Non. Ah bon, bah. Donc en fait c'est toujours sa femme. Il est veuf. Voilà, maintenant il est veuf et c'est tout. Donc pour terminer. Non, pas du tout. Bah tu fermes ta gueule, c'est moi qui commande. Savez-vous porter la chatte à la mode, Bah on va s'amuser avec celle-là. Elle était bonne au lit, Jean. Qu'est-ce que ça peut être foutre, voilà, connard? Mais je me renseigne. La Dianelle, quelle conclusion de ce débat? Oui, eh bien, Gérard, j'ai trouvé que c'était un débat de merde. Excuse-moi. Pour changer. Et quand même, rouler à 190 sous le pont de la main, tu aurais pu éviter de picoler, quoi. Le prochain coup, tu te borreras comme Cosette. Non, mais attends, à l'autopsie, ils ont retrouvé des vieux poils de moustache tout boutonnés sur la saglade de Lady Di. Ces gars, ils vont te retrouver, hein. Allez, hop, au revoir, salut. On peut se laisser ta beuge en polystyrène. Cosmo. Repéré. Ouais, non, c'est un bon débat, Gérard. On a bien appris qui était Lady Di. On a bien cerné sa mort. Moi, je dirais pour ma part que Lady Di était une femme quand même qui s'occupait de la Croix-Rouge, qui s'occupait des enfants. Donc c'était. Elle pouvait pas être mauvaise, cette femme. Elle déminait quand bon, même. Mais il faut mettre ça sur le compte du destin. Ouais. C'est tout, Gérard. De la fatalité. Ni plus ni moins, toi, tu peux bien te scratcher avec ta R14 en livrant des flambises aux gens de la Croix-Rouge. Sur le destin, Gérard. Ni plus ni moins. Au revoir, Mister Cocktail. Mister Cocktail. Bon, bah écoute, c'était un bon débat, je trouve, hein, malgré la seule question que j'ai tapée. Ouais. Mais non, j'en ai appris beaucoup plus sur les Didi. Et moi, je voudrais savoir si avec la R14, on t'a vendu des tickets de bus. Au revoir. Ok. La diarrhée. Moi, l'autre fois, Gérard, j'ai trouvé un rat dans mon yaourt. Au revoir. C'était un bon débat. C'était un... On m'a dit que j'ai pas fini. Vas-y. C'était un bon débat, mon GG. J'espère que tu le referas pas quand même d'ici 2-3 ans. Tu fais tourner un petit peu. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai une fête Uno Blanche à vendre, donc vous écrivez tous, boîte postale, 13e pilier, tout ça. Vous connaissez la suite. D'accord, merci. Voilà, bonne nuit. Merci à toi, Bonnebourg. Comme dirait Max Bonnebourg. Va te faire enculer. Okay. Ah, voilà. Mathieu, pour terminer, conclusion de l'IRC. Avec 9200 internautes. Ouais, pas mal. Pour un débat chaud. Ah ouais, bien. Ouais. Ce qu'il faut dire, aussi, on n'a pas, il n'y avait pas beaucoup de monde parce que pourquoi j'avais. Oh, ça suffit là. Ce qu'il faut dire, c'est que comme c'était les vacances, donc on n'a pas eu beaucoup de monde. On aurait pu avoir un peu plus de monde que ça sur le site, hein, parce que là, faut dire que c'était les vacances de la Toussaint. Hein. Donc voilà. Donc conclusion de l'IRC pour Mienne. J'ai pas de poteau qui me dit, comme quoi, c'est triste et tout. Il propose une minute de silence pour Lady. Ouais, mais après, la bande de secours, elle part. C'est le bordel. C'est ça le problème. Non, on aurait bien voulu le faire. T'es nouveau dans le métier, Mathieu. Je sais. Mathieu, un jour, tu sauras, quand tu auras la bande, tu vas te partir dans la gueule. Il y a Starsky qui dit, bonne conclusion, le béton français est plus dur que le métal allemand. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire de ce débat? Pour moi, ça a été à peu près bien. Ça s'est bien, à peu près pas mal trop mal déroulé. À part Manu qui avait un peu trop ouvert sa gueule, mais Non, je m'intéresse, c'est pas pareil. Donc sinon c'était un bon petit débat. Donc vous allez retrouver Ricky pour la nuit sans pub. Juste avant, Gérard, c'est tout. Oui. Juste un bon petit débat. C'était un bon débat. C'est tout. C'était un bon débat. Est-ce qu'on a bien bossé? Honnêtement, Gérard, est-ce que Manu a fait du bon boulot ce soir? Parce qu'on aimerait bien savoir par rapport au dernier débat où on avait fait du bon boulot, soi-disant. Ouais, mais sur ce débat-là, non, vous avez quand même été un peu. On n'était pas chiant. On vous intéressait. On voulait poser des questions parce qu'on voulait vraiment avoir la vérité. Non, mais ce qu'il y a, je pensais que tu l'avais, mais je me suis trompé. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est trop éternisé sur une question. Et on aurait dû avancer un peu plus vite. Non, mais le truc, la question qu'il faut se poser, la vraie question dans ce débat, c'est quoi? Bon, c'est très simple, à 1h55, je pense qu'il faudrait l'aborder. C'est quoi la question? La question est très simple. 5 minutes. C'est au niveau du pont. On n'en a rien à foutre du pont, d'accord, Manu? Pourquoi celui d'avant? Tu m'emmerdes. Il n'y a pas de poteau. Mais pourquoi que. Et pourquoi celui-là, le pont de l'Allemagne, il a des poteaux? Et pourquoi que celui d'après, il va t'en foutre un poteau dans le cul? Voilà, c'était super. Pour revenir sur cette question, est-ce que tu penses que c'est bon, Manu? Merde, t'es chiant. Non, mais c'est important. Ouais, mais merde, de toute façon, il le sait pas, il est con. On en a rien à foutre. Donc voilà, terminé. Je voulais savoir si. À la ligne. D'accord. Juste avant de finir et d'envoyer le Ricky Show. On a reçu une lettre, en fait, Anka est allée pendant que tu l'as virée. Elle est allée à l'hôpital, donc j'aimerais bien qu'Anka revienne dans les studios. Non, moi c'est terminé, on a un papier. J'ai dit que c'était terminé, c'est des conneries. On a reçu un papier du centre. Tu fermes ta gueule, c'est eux qui l'ont tapé, d'accord? Quoi? Parce que c'était. Non, c'est toi qui l'as tapé, c'est pour ça qu'il est imprimé. C'est eux qui l'ont tapé sur l'internet de là-bas. C'est terminé. Carrément. Attends, avec un bandage. C'est des conneries. Oh, on a un bras cassé. Tiens, vois ce que j'en fais de ton papier. Attends, et ça, c'est Anka a quand même un bandage. C'est des conneries. Oh, Ricky Show là-haut. Tu t'en vas où là-haut? C'est terminé. Non, 5 minutes, on met un disque. On met un disque. Attends, il est pas 2 heures. Si, les 2 heures, c'est terminé. Donc, non, par contre, j'ai 4 heures. Max. Non, Max sera à Tours, au scoop le. Non, juste avant que tu fasses. Non, c'est important, Gérard. Ah, je vais te faire chier. Allez, stop, vas-y, fais ton truc. J'ai retrouvé Cosette. Elle veut lui faire une déclaration. Ta gueule. Cosette. Allô, Gérard. Arrête, Ricky, c'est bon. Oui, Gérard, je suis revenu. Mais ton casque. Non, c'est terminé. Le débat est terminé, c'est terminé. Non, c'est une déclaration. Non, c'est terminé. C'est pour toi, Gérard. Non, mais c'est terminé. Je pourrais lire un poème. Non, il est 2 heures, c'est terminé. Hop, fini. Mais Gérard, tu verras. C'est fini. Mais non, mais écoute. Tu liras le poème lundi. Tu peux lire le poème. Tu liras, t'appelleras le 0803 085000. Toi, Gérard. Tu liras le poème lundi. Au revoir. Toi, Gérard. Au revoir. Ne te laisse pas faire par les éditeurs. Au revoir. La pétale. Mais putain, c'est Cosette. J'en ai rien à foutre, au revoir. Il a envie de rentrer, hein. Bon. Attends, il faut qu'il démarre. Alors, il a fait -2 déjà ce matin. Vendredi, donc ce soir, Max sera à Tours, on se coupe à Amboise, exactement. Ta gueule, toi, PD. Ta gueule, toi, PD, quand même. Et le lendemain, il sera à La Roche-sur-Yon, pam, pam, donc allez-y nombreux. C'est la chanson pam, pam, pam, fais-nous voir l'amour. Et on se quitte avec Lady. Attends, j'ai quand même Jennifer qui me dit comme quoi elle aime beaucoup ce que tu fais. Ouais, bah moi, c'est terminé. Pardon, donc, Lady doit avec la vérité sort de la bouche d'égout, comme moi, et vous allez retrouver Ricky pour la nuit sans pub. Donc, Max. Au scoop à Tours, à côté d'Amboise. À Tours, on voit qu'il a pas marché. La Roche-sur-Yon, au Pam Pam. Allez-y nombreux et nombreuses et bonne bourre et à jeudi. Ouais, je vais te dire, Gérard, t'avais fait quand même un bon débat sur ah ouais, merci. Hein. Allez, ben, par contre, bonne nuit. On pourrait pas revenir sur la question des poteaux. Non, pourquoi il y en a pas merde avec tes poteaux. Allez. Ah, c'était quand même un bon débat, je te remercie. Vas-y, Gérard. À bientôt. Hein. Salut. Salut.